Tous les soirs de 20h à 23h du lundi au jeudi. Dans cette émission, il se passe plein de choses. On a appris quelque chose ce soir. C'est l'occasion pour moi de parler avec Mickaël et toute son équipe. Ah oui. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Et d'ailleurs, Sandro nous a dit en antenne qu'elle était capable, elle, apparemment, de s'auto-fellationner. Sandro. Sandro se fait des auto-fellations. Voilà. C'est tellement mieux quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Non bah, ouais. Mais il paraît, ouais. Oui. Et ouais, je voulais souhaiter bon anniversaire à Lilou. Bon anniversaire, Lilou. Je voulais lui mettre la petite musique de l'anniversaire qu'on a fait pour elle. Mickaël. Oh, voilà. Beaucoup beau, bien sûr. Voilà, attendez, il y a la fin meilleure. Bravo. Voilà. Voilà. Bon, ça nous fait quel âge ça? 18 tout juste? Et demi, s'il te plaît. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu lui as pris comme cadeau, Mickaël? Je lui ai déjà donné son cadeau. Elle est venue remplacer Sandro pendant qu'elle était malade pendant une semaine. Bon, faut quand même pas déconner non plus. C'était un petit cadeau en avance. Exactement, oui, très en avance. Elle attendait un gros cadeau de ta part. C'est bon, je lui paye un café, allez. Ah bah écoute, ça va lui faire plaisir. Je la vois toute souriante. Pas du tout, pas du tout. Je lui offrirai un plus gros cadeau quand elle arrêtera de fumer. D'accord. Voilà. Et bah, le message est passé. Bah, des gros bisous à vous et amusez-vous allez, bien. Bon week-end. Bon week-end. À lundi, bisous. Ciao. Ciao, ciao. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est déjà là. Et oui, ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonsoir. Oh putain, c'est déjà la dernière de la semaine là. Ça passe super vite. C'est un truc de fou. Ça passe vite. Un truc de fou. Bon, si vous connaissez. Enfin, si vous connaissez pas l'émission plutôt, hein, bah, préparez-vous à vous marrer. Hein. Normalement, ça devrait bien se passer jusqu'à 2h du mat ce soir. Moi, c'est Mickaël. Je suis là du lundi au jeudi de 23h à 2h. Le dimanche soir également de 20h à minuit. Et puis, si vous voulez venir délirer avec nous, bah, il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Voilà, vous passerez l'antenne comme ça. Par exemple, comme Mylène qui est avec nous maintenant. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mylène, comment ça va? Ça va super bien. Depuis tout à l'heure sur Twitter. Oui. Oui, mais oui. Parce que j'ai un petit peu parlé avec Mylène tout à l'heure sur Twitter. Quelle chance elle a. Mais t'as vu un petit peu, quelle magnifique chance, un truc de psycho quand même. Mais tu te rends pas compte de la chance que t'as? Tu te rends compte de la chance que t'as? Je m'en rends compte. Bon, alors ça va alors, très bien, parfait. Bon, Mylène, alors, t'as passé une bonne journée toi? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Oui, j'ai travaillé, donc... Ah, c'est bien, tu travailles dans quoi? Je suis secrétaire. Ah, très bien, secrétaire, parfait. Bon, très bien. Bon, alors, donc toi, t'as fait le 01 42 48 5000 pour passer très bien. Sandro, passer un bon week-end, passer une bonne semaine, passer une bonne journée dans l'absolu. Ah bah oui, tout va bien. Bon, très bien. Tu vas faire quoi ton week-end? Je vais aller danser un petit peu. Oh là là là là, parfait. Très bien, on suivra ça bien entendu. Boule. Voilà, elle fera des photos, on mettra ça sur le Facebook. vous verrez, ça va être la star. Ah ouais, je vais en faire. Voilà, bon, si vous avez d'autres plans, lui proposer, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, elle est bien évidemment ouverte à tout. Toutes les propositions. Pas toutes. Descente comme indécente. N'hésitez pas. Quand même, hein. Voilà, et bon, des limites. Si t'es capable de faire un tour sur la mobilette de Toff. Capable de tout, hein. Ah, Mylène, t'as envie de faire un tour sur la mobilette de Toff tout à l'heure? Ça y est, je suis partie là. Ah bah parfait, mais mets ton casque d'abord, hein. tu feras le petit tour après. D'ailleurs, Mylène, est-ce que tu peux faire dans le téléphone? Voilà, j'en mets quand même un petit peu de menthol quand même, on sait jamais, c'est des fois que tu restes longtemps avec nous. Non mais c'est vrai, c'est la fin de journée, on sait jamais quoi. Et puis Bolo également qui sera d'ailleurs en concert très prochainement. Ouais, c'est vrai. Voilà, Polo avec le pipeau, bien évidemment. Oui. Hein, il sera à la salle des fêtes de Gif-sur-Yvette. C'est ça. Ce week-end, ne le ratez pas. Exactement, de Gif-sur-Yvette, tout à fait. Bon, et comme tous les soirs, vous pouvez évidemment devenir le top tweetos. Est-ce que t'as... Bah oui, t'as Twitter, forcément, Mylène. T'as déjà fait un petit follow, tout ça. Évidemment. Oui. Et donc, si, bah, comme Mylène, vous voulez me rejoindre sur le Twitter, n'hésitez pas, on discute ensemble. La preuve avec Mylène cet après-midi. Il suffit simplement de taper @mikael_officiel sur le Twitter. Si vous me faites un petit follow, eh bien, je vous ferai un follow également. D'ailleurs, je t'ai follow et me semble-t-il, Mylène. Tu m'as followé. Exactement. Par derrière, comme toutes les filles, non? Exactement. Parfait. Bon, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. Donc, Mickaël underscore officiel sur le Twitter. Je vous follow, vous me followez, ça marche comme ça. Et puis, bah, vous allez peut-être devenir le top tweetos ce soir. Hein. Est-ce que quelqu'un va enfin réussir à battre Let's Be Freaks? Oh. Hier, ça s'est pas passé à grand chose. Hein. Il y avait trois tweets de différence, mais elle a quand même terminé première. Donc, si vous voulez relever le défi, bah, il suffit simplement d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL. Et à la fin de l'émission, eh bien, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs ce soir sur le Twitter de l'émission. On a également du son de, comment tu dis, Mylène ? Tweeter. Oui, tweeter, exactement. Bon, Mylène, est-ce qu'il y a un son comme ça que tu kiffes actuellement ? Là, comme ça, tout de suite, tu me prends de court. Oui, je te prends de court, exactement, oui. Oui, bah attends, il y a Britney Spears, si tu veux, là, qu'on va passer tout à l'heure, là, si tu veux. Avec Work Beach. T'aimes bien ou pas ? Honnêtement, moyen. Non mais tu peux le dire, pas de problème. Alors sinon il y a Backer Matt aussi. Voilà, je préfère. Ah d'accord, ok. J'adore. Très bien. Ah bon, on va le mettre dans un instant. Ou encore Selena Gomez. Pas mal. Ouais, pas mal. Ou encore Fede Legrand. La reprise de Prodigy, No Good. Et alors le son que je vous ai fait découvrir, t'étais là hier ou pas à l'écoute, dis-moi. Oui. Both, c'était ça. Both. Je vous ai mis le clip d'ailleurs sur le Facebook de l'émission hier, il a bien marché, donc allez voir si vous voulez. Ouais, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis bah peut-être que ce soir aussi on va filer la PlayStation. Bah, on va pas le... peut-être, on va le faire. La PlayStation 3 qu'on va vous offrir, PS3 bien entendu, avec le jeu GTA 5. On a été les premiers à vous l'offrir, GTA 5, c'était lundi dernier. On vous avait offert GTA 5 en exclu. Et bah on va continuer ce soir. Le dernier GTA 5 et la dernière PlayStation 3 à gagner dans un instant, ce sera avec avec la colle. Dans un instant justement. Bon, et nous avons également, et bien nous allons parler avec toi justement, hein, Mylène, mais nous allons parler de quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mylène ? Dis-moi tout. Ben moi, grosse boulette, j'ai envoyé un mail coquin et la boulette était en fait sur le destinataire. Au lieu de mettre mon homme, j'ai mis ma mère. Attends, c'est quoi l'histoire ? Répète. En fait, j'ai fait un mail coquin à mon homme. Ah, et tu l'as envoyé à ta mère ? Voilà. Ah ouais. Coquin, comment t'as mis quoi ou... Ouais, t'as mis coquin, quoi dedans? Coquin, en fait, j'ai donné rancard, j'ai fait un gros scénario. Bon, ça, c'est pas grave encore le rancard, mais... Ouais, mais bon, j'ai mis les détails du scénario, donc quand j'ai eu ma mère le dimanche pour le repas de famille, c'était bizarre. Ah, t'imagines le repas de famille dégueulasse. Bah alors, et qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as vu hier dans la voiture, voilà. Mais vous êtes resté longtemps à l'arrêt, comment ça se fait? Bah. Ah, voilà, t'as mis ton impair, mais dessous t'avais rien, enfin ouais. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Donc, et du coup, ouais, comment ça s'est passé après? Du coup, t'as pu regarder ta mère en face? Bah, pendant un petit moment, on n'a plus trop parlé. Ouais. Et puis après, petit à petit, bah, on a repris le dialogue. Ça s'est fait tout doucement, mais bon, c'est bizarre, quoi. Bah oui, mais enfin, en même temps, après, elle a certainement dû faire, la même chose à l'époque, hein, pas forcément avec les messages. Mais d'ailleurs, faut que je vous mette sur le Facebook, là, je vais le mettre dans un instant. Une meuf qui s'est aussi trompée. En fait, non, c'est pas une meuf. Ah si, dans l'absolu, oui, mais enfin, c'est une tante qui a envoyé un message à sa nièce, mais sauf qu'en fait, elle pensait l'envoyer à son amant. Oh. Ah, même pas à son mec, à son amant. Ouais, à son amant. Et du coup, en fait, elle a envoyé un message derrière en disant bonjour ma chérie, j'ai dû t'envoyer un message par erreur, je l'ai envoyé au mauvais destinataire. Bon, heureusement, la fille est encore assez cool puisqu'elle a dit non, je n'ai rien reçu. Elle a dit ah bon, bah alors très très bien. Ouais, enfin, ouais, si on peut le lire, c'est qu'elle l'a bien reçu quand même. Hein. Ouais, non, mais elle a dit à sa tante qu'elle avait rien reçu. Sauf qu'après, elle a tweeté en fait le screenshot de son iPhone. Oh, donc elle l'a mis. Ouais. Je vais vous mettre le tweet dans un instant sur Facebook. Ah oui, non, mais toi non, mais pour le coup, elle oui. Donc je vais vous le mettre dans un instant sur le Facebook de l'émission. Et vous allez voir, c'est juste à se pisser dessus. Donc énormissime. Donc vous allez pouvoir voir ça, facebook.com/Mickaël officiel, dans à peu près 3-4 minutes, on va dire ça comme ça. Bon, et Mylène, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu voulais juste raconter l'histoire. Et puis du coup, ben, on peut demander aux autres, hein, s'ils sont déjà trompés de destinataire en envoyant un message. Et puis là, c'est la catastrophe, hein, puisque forcément, t'envoies ton message, tu vois cette ligne qui part, tu te rends compte que c'est la mauvaise personne et tu peux rien faire. À l'époque encore, oui, tu pouvais arracher la batterie à l'époque, mais aujourd'hui sur les smartphones tu peux plus. Bah non. Ouais, mais sur l'iPhone on voit bien la photo du contact. Non, mais pas forcément. Alors que sur l'ordinateur, Ben si, c'est dans tes contacts, t'as la photo du contact, donc c'est plus facile. Oui, alors mais bon, sur après, l'ordinateur. Après, tu les as pas forcément tous, pour peu que t'aies pas la bonne photo, etc. Mais bref, alors que sur l'ordinateur, mais tu peux aussi la voir, hein, si la photo du contact. Mais le problème, c'est que tu l'as envoyé. Mais comment c'est que t'as envoyé à ta mère? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper de destinataire. Tu sais, par exemple, je suis en train de parler dans un mail que je vais envoyer, j'en sais rien moi. Alors imaginons que je casse du sucre sur Toff et que je veux l'envoyer à Polo. À force de parler de Toff dans le mail, au final, je vais le mettre dans le mec qui doit le recevoir. Et c'est là que je me rends compte que c'est trop tard. Mais là, en parlant de cul, t'as quand même pas parlé de ta mère dans la conversation de cul. Non, pas du tout, mais au lieu dans le répertoire, eh ben, au lieu de cliquer amour, j'ai cliqué Arlette, quoi. Ah oui, Arlette, donc, elle s'appelle ta mère, oui, bah oui, oui. Oui, c'est peut-être ça le plus dur. C'est peut-être ça le plus dur. Double raison pour me. Mais oui. Pour me. Bah oui, c'est ça, c'est plus compliqué, oui. Bon, bah Mylène, reste avec nous. On va demander aux autres si ça leur est déjà arrivé, justement, de se tromper de destinataire. C'est déjà arrivé, Sandro, toi, d'envoyer le mauvais message à mauvaise personne? Ouais, mais j'ai fait pire. En plus, c'était par rapport à une lettre de motivation que j'ai envoyé à une entreprise. Ouais. Et tu veux alors, elle envoie Carrefour, enfin, en fait, c'était pour une autre compagnie. J'adore les produits au champ. Ah non, mais ça, c'est le truc de base, basique. Ouais. Mais genre, tu sais, j'ai copié une lettre de motivation sur Internet, je l'ai copié-collé sur la feuille Word, tu sais, pour l'avoir en modèle. Ouais. Et dessus, je retape au-dessus avec mon nom, le vrai truc. Ouais. Sauf que ça descend petit à petit. Et après, tu vois plus la suite, et en fait, t'envoies deux fois la lettre de motivation. J'ai envoyé comme ça, en fait. J'ai fini, j'ai dit, j'ai mis mon nom et tout cordialement et tout. Cordialement, oui. Et t'as pas une nouvelle. J'ai envoyé le tout sans enlever le modèle. Ah, et t'as pas une nouvelle. Bonjour, je m'appelle Sandra. Ouais, voilà, je suis un peu mongolienne. C'est ça, effectivement, je suis mongolienne. Et je pense que tout est dit. Du coup, après, je les achetais carrément sur Internet, c'est plus simple. Oh, tu t'achètes tes lettres de motivation, ouais. Mais c'est pas vrai. Bon, allez, dites-toi les autres si vous vous êtes déjà trompé de destinataire. Facebook.com/MIKL officiel pour nous rejoindre. Vous mettez le hashtag MIKL sur Twitter. Venez nous rejoindre également, n'hésitez pas. Et puis vous appelez le standard, il est là, il est ouvert. Il y a Sandro qui décroche. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Mylène, tu restes avec nous. On va prendre Anthony également qui est avec nous là. Bonsoir Anthony. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Bonsoir. Bah ça va bien et vous? Eh ben ça va plutôt bien Anthony, 29 ans d'Evreux, toi tu vas nous faire un petit call pour peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le dernier jeu GTA 5, c'est bien ça? Ouais, on croise les doigts. Bah écoute, je te le souhaite, donc tu vas poser la question maintenant et si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, tu gagnes. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'on l'a au téléphone, tu perds et cette personne gagne, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, eh ben écoute, vas-y alors. Bon alors, c'est parti. Je réponds toujours quand on m'appelle. Ouais. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Attends, répète. Alors, je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? D'accord. La bon. Bite. La bite, c'est bon ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc alors je répète, je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Bon, alors si vous avez la bonne réponse, eh ben à vous de jouer maintenant, hein, vous allez pouvoir repartir avec le pack, les petites photos du pack d'ailleurs, hein, sur le Facebook, vous pouvez aller voir, facebook.com/MIKL officiel, à vous de jouer maintenant, je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique, qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez tout simplement maintenant votre message, MIKL espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, MIKL et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique. Bonne chance, la réponse avant 00h30. Tu restes avec nous Anthony? Bien sûr. Bon parfait, allez bouge pas de là. Et puis on a récupéré Colline aussi, la Colline auditrice qu'on a eu depuis, sauf hier soir, depuis dimanche. Et ses parents lui ont confisqué la radio, du coup on l'a foutu dans le standard pour qu'elle puisse écouter. Comment ça va Colline? Ça va. Et tout le monde était inquiet hier, on n'avait plus de nouvelles. Oui. Mais oui, mais je me suis endormie. Oh, ah bah bravo. Une grosse merde d'ailleurs. Ah bah ouais, complètement ouais. D'ailleurs, en parlant de merde, justement, voilà, c'est Toff qui te salue. Merci. Ça va bien, Colline? Bah oui, Colline. Oui, il était inquiet, hein. Bah très. Oh, bah oui. J'en ai pas pété de la nuit. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Oh non, mais t'as raté des trucs hier. Hein. Hier, on a appelé des gens hier. Et Toff s'est encore fait insulter. Va te faire foutre, connard. Bah oui, c'est ça. Et vous faire foutre, espèce de tête de con. Là. Voilà, espèce de tête de con, ouais, exactement. Ouais. Bon, bah du coup, on fera d'autres appels encore tout à l'heure. On va en remettre un aussi hier quand Toff avait appelé pour c'était quoi encore hier? Ah oui, pour l'épilation. Ah oui, pour l'épilation et voir comment les meufs aimaient s'épiler et surtout comment les mecs aimaient que leurs femmes s'épilent. Donc on va en reparler dans quelques instants. Bah Colline, tu restes avec nous, t'as toujours pas de radio? Non, toujours pas. Bon, on t'en a peut-être dégoté une. Ah ouais? Peut-être, je suis en train de négocier là pour voir, mais normalement ça devrait bien se passer. Oh mais c'est cool ça. Bah plutôt, ouais, mais par contre te la fais pas confisquer par tes vieux hein. Mais non, j'ai la cachée et tout. Bon bah très bien, c'est ce que tu sur fais, toi. Coline. Tu prends un oui. vieux coussin et tu mets la radio dedans et tu couds tout ça. Ouais, ou alors tu prends un coussin radio. Ça existe? Non, ah sérieux. Ouais, bah ouais. En fait, t'as un espèce de haut-parleur. Regarde à Montana, là. Ouais, ou je sais plus, ouais, mais t'as un espèce de haut-parleur dans le coussin. Et donc, du coup, quand tu mets ton oreille dessus, bah, tu peux dormir et t'as la radio ou un truc comme ça. Ça peut être pas mal, ça. Je vais essayer de voir, ouais. Colline. Bon, bah, reste avec nous, là. Bah oui, Britney Spears, ça te branche? Bof, bof. Bon, alors, back your mat. Ouais, déjà, c'est mieux, ouais. Non, bah, dis-moi, sinon, dis donc, hein. Selena Gomez. Ah non, elle veut boss, non. Avec boss. Mais en fait, on m'a demandé une musique déjà. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Alors, je vais chercher les messages. Bon, oh, bah vas-y, ah, donc elle fait sa promo. Ouais, moi je suis sur fun ce soir, donc si vous l'écoutez au son, n'hésitez pas. C'est Mathias. On est potes maintenant. Non, mais d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi le morceau? Je sais pas, mon iPad il vient de s'éteindre. Ah bah bravo. Oh, ah bah bravo. Oh, bon alors tu sais quoi, pour la peine t'auras Britney Spears. Voilà. Yeah. Et puis on fera back your mat juste après, bien fait. Bon bah bouge pas de la colline. Retour avec Mylène là, si vous vous êtes déjà fait avoir en envoyant un message au mauvais destinataire. Venez nous en parler, à qui c'est, comment c'est arrivé. Je compte sur vous, Britney Spears. C'est Work Beach qu'on écoute au cœur d'une heure sans pub. Ferme ta gueule, gros bâtard. 23h, 2h. Fuck! Mickaël Nolimi. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. Ah, j'ai été meilleur hier avec leur mix. Ouais. Hein, ouais, j'avais un petit peu de la merde dans les doigts ce soir. Mais c'est pas grave. Ouais, hier il était bien. On va voir. On remettra peut-être tout à l'heure encore la version remix de Britney Spears avec Work Bitch. Plein de messages aussi qui sont arrivés. Jonathan qui dit encore un remix, mort de rire. Bah oui, j'ai essayé ce soir. Kylian qui dit pas mal les insultes dans les musiques comme ça. Morgan qui dit ou le Mickaël ou le meilleur DJ de tous les temps. Mais ouais, mais comme je disais, bientôt j'aurai ma place dans Party Fun en DJ résident. Et oui. Le seul DJ qui met que des insultes. Tout à fait, exactement. Je remplacerai Quentin Mossiman. Bon, il y a Varidi aussi qui dit mort de rire, les espèces d'enculés qui s'incrustent dans la musique. Il y a celle qui dit énorme leur mix. Benji Spears qui dit mort de rire, les insultes du Belge sur Work Beach. Il y a Boris aussi qui dit bonsoir à toute l'équipe, comme ça, continue comme ça, vous nous pliez. Bah, c'est gentil. Et Vardy aussi qui dit les espèces d'enculés qui s'incrustent, là c'est trop fort. Le Carolo, je kiffe, c'est Danou qui avait envoyé le message. Il y a Clem qui dit Work Beach remixé, merci les Corses. Et Everything is Magic qui dit deux semaines que je passe d'excellentes soirées grâce à vous. Bah, merci d'être là surtout aussi, Everything is Magic. Et puis Clem qui dit bonsoir tout le monde, et bah bonsoir à toi. Et le prince Adia qui dit un coup de pelle pour Colline, pour ne pas qu'elle s'endorme. Ouais, c'est vrai ça, Colline. Oui. Et un coup de pelle dans ta tronche, tiens, parce que t'étais pas là hier. Voilà. Mais je veux pas te dire, mais Mathias n'a pas été là ta semaine, alors il mériterait bien un petit coup de bazooka là. Oui, c'est vrai. C'est bon, la cible a été détruite. Voilà, commandant. C'est bon là. Elle est bon, elle est bonne plutôt la cible, effectivement. Et Prince Adia qui dit à moi, attends, j'avoue que le follow par derrière de Mickaël, je m'en souviens et je m'en souviendrai toujours. C'est ma plus belle expérience. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, le Prince Adia, c'est normal. Mister Steven qui dit rassure-toi Sandro, t'es pas la seule à avoir fait cette boulette là. Toujours au top du top, c'est Alex et Pascal qui ont envoyé le message là. Continuez avec tous vos messages évidemment. Là, maintenant, vous envoyez tous vos messages avec le hashtag Mickaël tout simplement sur le Twitter. Ça marche aussi 01 42 48 5000 pour le standard ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, et ça y est, je viens de vous mettre sur le Facebook. Je sais pas si t'as été voir, Mylène. Oui, ça y est, je suis allée voir. Ah, très bien. Je vous ai mis sur Facebook un message d'une meuf qui s'est trompée. En fait, elle a envoyé à sa nièce au lieu de son amant. Donc voilà, il suffit d'aller voir maintenant facebook.com/mickaëlofficiel. C'est juste que c'est à mourir de rire en fait, parce que c'est alors la meuf, elle s'appelle El Pocho sur le Twitter. Et elle dit ma tante qui se trompe de destinataire en envoyant un message à son plan cul. J'ai fait genre j'ai rien eu. Et donc en fait la tante, si vous voulez, elle envoie alors je vais vous lire texto pour ceux qui ont pas internet sous la main. Donc elle dit salut, tu vas bien, c'est ton plan cul préféré, mon mec est pas là ce week-end, alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être se voir, si ça te dit, ta grosse queue me manque, gros bisous, où tu veux, signé Marie. Et donc, et alors elle l'appelait Tatoune, hein. Et donc Tatoune Marie, en fait, envoie directement à sa nièce, coucou ma chérie, tu aurais pas reçu un message de ma part? Si c'est le cas, je suis désolé, je me suis trompé de personne, bonne nuit ma puce, j'espère que je ne t'ai pas réveillée, signé Tata. Et puis après, évidemment, il y a la fille qui dit, coucou Tatoune, non t'inquiète, je n'ai rien reçu, bonne nuit, gros bisous. C'est énorme. Et elle après, est sympa la nièce. Je te balance sur Twitter. Voilà, c'est ça, et après elle a tout balancé sur Twitter. Bon, donc allez voir hein, facebook.com/Mickaël officiel. C'est également dispo sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Venez nous rejoindre en tapant Mickaël_officiel. Je vous attends nombreux et nombreuses, mais c'est juste à se pisser dessus. Donc allez voir, vraiment. Il y a Morgane qui envoie un message aussi sur le Twitter qui est mort de rire la lettre qu'elle a envoyée à la nièce. Trop mort de rire le message. C'est Max Debeau qui a envoyé aussi son message sur le Twitter. Et puis Megumi qui dit bonsoir mes cochons, surtout au plus beau Mickaël. Merci ma cochonne. Ah, oui. Merci beaucoup. Et Vardy qui dit elle est dans une belle merde, l'auditrice là. Bah oui, c'est Mylène. Bah, en même temps, c'est arrivé quand là que tu te sois trompé de numéro, enfin de destinataire? Ça fait déjà 4 mois. Ah oui, 4 mois, donc ça va, le truc il est plié là depuis, non? Bah oui, mais la honte quand même. Oh oui, non, bien sûr, c'est la honte. Mais elle t'en reparle, ta mère, de temps en temps ou pas? Non, bah j'évite le sujet. Oui, bah c'est mieux. Maman, tu te souviens de ce message un petit peu particulier que je t'avais envoyé? Ouais, c'est ça. Ça tombe mal, mon téléphone est pourri, alors je peux même pas lui dire bah attends, j'ai un appel, j'ai un double appel. Ah bah ouais. Tout le temps des excuses. Dommage. Attends, il y a Mathieu aussi qui est avec nous d'Auxerre là. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Déjà bonsoir à toute l'équipe. Ouais, bah, ça va très bien. Salut. Et bah bonsoir salut à toi. Alors Mathieu, fais un peu là mon téléphone. Oh, ça pue. Oh là là. Voilà, attends. Très bien, voilà, j'ai remis un petit peu de menthol, comme ça au moins ouais, on sera... Un petit peu, ouais. Bah, c'est mieux, tu sais, après la journée, tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion forcément de se brosser les dents. Après qu'on mange bien, après bien avoir bien mangé. Bah, c'est ça. Bon Mathieu, est-ce que comme Mylène, toi tu t'es trompé déjà de destinataire quand t'as envoyé un message? Ouais, c'est arrivé, et puis c'était une très grosse boulette, surtout si c'est à la mauvaise personne. Mais t'as envoyé à qui surtout, c'est ça la question? Bah en fait, moi, quand j'étais avec mon ex, j'avais envoyé mais un gros message cochon avec à elle, et puis finalement c'était pas elle, c'était sa mère quoi. Oh merde! Oh putain! C'était du genre vas-y, je vais te prendre par tous les sens, je vais te faire monter au rideau et tout plein de trucs comme ça quoi. Ah oui, donc t'étais bien au taquet quoi. Ah ouais, mais j'étais vraiment bien au taquet parce que franchement je pensais passer une bonne soirée. Ouais, et au final. Et bah au final, j'ai eu un petit appel finalement du mauvais numéro. Et, de maman donc, de la belle-mère plutôt. De la belle-doche comme on dit. Ouais. Et finalement ça a tapé grosse embrouille. Et puis bah voilà quoi, c'était vraiment pas bon à faire. Quoi. Et le prénom de ta copine c'était quoi? Ou c'est quoi? Ah, je préfère rester anonyme avec ça. Non mais son prénom, on s'en fout, je demande pas son nom de famille. Ouais, Anne quoi. Anne. Bon du coup Anne, est-ce que t'as fait la connerie qu'on fait souvent? C'est genre par exemple pour la maman, tu vois, tu mets Anne espace maman. Non du tout, non même ah, pas. Ah parce non, que là t'aurais pu être encore excusé parce que tu sais t'envoies Anne, tu te trompes de ligne, boum le truc il part. Mais si tu mets vraiment le nom de la belle-mère. C'est tellement j'ai voulu aller trop vite avec mon téléphone, j'ai pas su aller bien avec mes touches et tout, donc du coup paf, j'ai renvoyé sur mauvais. Ouais si les numéros, enfin ils étaient pas loin, tu vois pas se passer. Ouais. Du coup j'ai pas sélectionné le bon et puis il est parti au mauvais et puis. Bah c'est ça. Et depuis t'es plus avec elle ou t'es encore avec elle? Non, je suis plus avec elle. D'accord. Ça a tapé tellement bruit que voilà quoi, il y a plus. Ah putain, à cause de ça s'est terminé? Ah ouais, ça s'est terminé. Oh merde. Ça, parce que finalement ses parents et tout, ça a tapé vraiment très grosse embrouille. Et finalement, D'accord, je vous laisse imaginer la suite quoi. Oui, bon, on imagine très bien. Attends, il y a Lynn aussi qui a envoyé un message sur Twitter, là, énorme le message de la tante à la nièce. Moi c'est l'ex d'une amie qui m'avait envoyé un SMS comme ça et qui était ni pour moi ni pour elle d'ailleurs. Il y a Thomas sur le Facebook qui dit mon meilleur ami s'est fait avoir une fois, il a envoyé un texto à un pote, mais au lieu de l'envoyer sur le portable, il l'a envoyé sur le fixe et c'est la mère qui a décroché. Le problème c'est que sur le message il y a marqué espèce de petit PD, du coup elle a rappelé le numéro et a incendié mon pote. Ah ouais, ça c'est pas bon à faire ça. C'est clair. Il y a Mélanie qui dit mon père m'a déjà envoyé des messages chelous au mauvais destinataire. Nanou aussi qui dit mort de rire la tronche de la mère juste après ça. Il y avait quoi aussi Tommy qui avait envoyé un message sur le Twitter qui dit RIP pour la fille qui a envoyé l'email à sa mère à la place de son gars. Ah bah c'est clair. Et Isaline qui dit vous êtes géniaux, merci Isaline, gros bisous à toi. Nanou qui dit oh le bâtard, sa mère a dû être choquée. Et Stéphanie qui dit avec les smartphones c'était ma spécialité les erreurs de destinataire. Maintenant c'est le correcteur qui fait les conneries. Ah ouais c'est clair, les correcteurs ils te foutent dans la merde. Ah parfois ils te mettent dans une merde, je sais plus quoi. Total. Ah ouais j'avais envoyé un truc moi récemment, merde je me souviens plus du mot, mais il avait changé un mot par j'ai dû écrire un truc, il avait remplacé par chou ou un truc comme ça, ouais. Mais j'ai envoyé ça, c'est le mec, je le connais pas plus que ça quoi. Ah mais genre, putain. Les erreurs qu'il met en mots des fois c'est des barres de rire. Ah ouais mais tu te dis mais comment est-ce qu'il a pu penser, comment est-ce qu'il a été programmé pour transformer télévision en je t'aime. Enfin, c'est chelou. Ouais, c'est complètement bizarre quand même. On veut commencer un mot puis finalement le mot il a rien à voir avec ce que ça dit après quoi. C'est clair, aucun rapport. Bon ben Mylène et Mathieu, restez avec nous, il y a Morgane aussi dans un instant, t'es là Momo? Ouais je suis là. Ça va bien, Morgane? Ça va et toi? Salut l'équipe. Ah bah, salut, Morgane, je pensais avoir un garçon. À chaque fois que je pense. Et non, désolé. À chaque fois que, non, mais c'est rien, mais à chaque fois que je prends un Morgane, je pense que c'est une fille. Donc cette fois-ci, je me mets dans la tête que c'est un garçon. Après, t'as une excuse. Je suis une fille qui aime les filles. Donc on va dire que ça t'excuse, tu vois. Ah bah voilà, donc au final, c'est un petit peu ça. Ah, ça t'a excité, Toff. Ouais, Morgane, voilà, c'est ça. Combien mesures-tu? Non, pas de fantasme. Okay. Alors, combien mesures-tu, Morgane? Quelle est la dernière? Combien mesures-tu, Morgane? Moi, 1m71. Combien pèses-tu? Combien pèses-tu? J'en sais rien. À peu près, on n'est pas à 5 kilos. Je dois être à... Non, je dois être à 80, je crois. Ouais. Quel est ton tour de poitrine? Ça fait de foutre. C'est juste pour savoir, ça. C'est comme ça, on apprend à se connaître. Ouais, bien sûr. Non, mais ça restera secret, on va dire. Oh là là là là. Ça restera. Et ça restera. Oui, ça restera. La taille du dernier pantalon que t'as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que t'as acheté? 38, ouais. Tof, résultat du... Bah, résultat, moi, je veux bien tester les couples homosexuels, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Apparemment, elle n'a pas plus envie que ça, a priori. Non, hein, pas du tout. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Bah oui, c'est bizarre, effectivement, oui. Bon, Morgane, reste avec nous. Toi aussi, tu t'es déjà trompé dans un numéro de téléphone? Oui. Bon, oui. Bah, on en parle dans un instant. Morgane, reste là. Mathieu, Mylène, pareil. Colline, bah, du coup, tiens, comme t'étais pas là hier, est-ce que vous étiez là hier, Mylène, je sais déjà, Mathieu et Morgane? Oui. Ah, très bien, c'est bien ça, Morgane et Mathieu? Ouais. Parfait, donc vous avez entendu le moment où Toff décide d'appeler pour tester l'épilation, pour voir si effectivement les mecs qu'on appelle préfèrent leur femme épiler correctement, épiler en ticket de métro, épiler intégralement ou pas. Oui. Parfait. Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein, écoutez, c'est quand Toff se fait insulter. Un petit peu comme chaque soir au final. Hein. Bah oui, c'est un peu ça. Et donc on avait appelé cette charmante personne, très sympathique dans l'absolu, vraiment très gentil, quoi. Un amour. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment votre mari aimait votre épilation. Ah, surtout là, non. Vous êtes trompé de numéro, monsieur? Non, pas du tout, madame. C'est à vous que je pose la question. Eh ben, il aime comme il aime. Oui, mais ça me dit pas, il préfère comment? Ça ne vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Ah bon, là, elle avait raccroché, donc on a dû l'appeler obligatoirement, évidemment. Hein. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, j'étais avec votre femme, mais elle a pas vraiment voulu me répondre. Alors, c'est plus simple si vous me répondez. Vous aimez qu'elle soit épilée comment? Comment? Non, je demandais comment vous aimiez que votre femme soit épilée. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Si vous avez rien que ça à faire, je vous dénonce aux flics, vous avez compris? Mais je vois pas le rapport, monsieur, moi je vous ai juste... Ouais, allez vous faire foutre. Non, mais comment vous l'aimez épiler, votre femme? Non, allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Et si je continue comme ça, moi je vais te dénoncer aux flics, d'accord? Connard, hein? Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Ouais, voilà, espèce de tête de con. Exactement. Va te faire foutre, connard. Voilà, c'était un florilège de tout ça, évidemment. Allez vous foutre. Allez vous foutre, il y avait également celui-là d'hier. Hein. Et puis, je rappelle qu'il y a toujours... Alors, lequel vous préférez pour ceux qui écoutent souvent, la Mylène, Mathieu, Morgane, Colline, le Carolo ou le Corse? Le Carolo, un petit peu quand même. Le Carolo, quoi? Ah ouais. Bon, attends, je vous mets le Corse. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pilier de merde, va. Amène-toi, ouais, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Oh, mais le pire, c'est qu'il a dit ça d'une traite, c'est un truc de psycho, quoi. Oh, le débit de gros. Ah, ouais, un truc violent quand même. Bon, ouais, je vous remets. Finalement, j'ai pas entendu ce que vous voulez. Non, mais ouais, mais c'est pas grave, je te remets le Carolo juste après le son de Backermat. Ça vous branche tout le monde à Backermat avec Van Dyck? Ouais, c'est le truc hollandais, le morceau hollandais avec les saxos là qu'on vous avait fait découvrir il y a quelques semaines. Ouais. Bon, ben je vous le remets, on reparle avec vous. Je peux juste vite fait aller prendre la voiture pour aller dans un bar là, c'est pas moi qui conduis, ça te branche pas. Hein. Bah si tu veux. Ouais. Bah vas-y, va faire ça. Vas-y, Mathieu. Non, mais donc du coup, je coupe la radio, quoi. Ouais, vas-y, c'est pas grave, Mathieu, t'inquiète pas, fais comme chez toi, on est tous ensemble là, t'inquiète. Et puis t'inquiète. Tournée en arrivant. Ouais, tu nous mets un petit verre là, Mathieu, un petit Morito. Ouais, je vous aurais vers 20, je prends 2000. Et bah ça fait plaisir. Bon, allez, Mathieu, Mylène, Morgane et Colline, restez là et on s'écoute, promis donc, au cœur d'une instant pub, le son de Backermat maintenant sur Fun Radio, c'est Van Dyck tout de suite. I have a dream. Le son de Back Your Mat à l'instant sur Fun Radio avec Vandax. C'est un morceau que vous avez fait découvrir sur Fun Radio il y a quelques semaines. Et puis je vous rappelle également que demain matin vous allez pouvoir vous faire rembourser vos factures avec Bruno. D'ailleurs j'attends toujours qu'il me rembourse ma facture de mes PV. Voilà. Ah, donc mon avis, la bien se foutre de ma gueule tous les matins à rigoler. Oh, quelle imitation. Allez, j'essaye toujours, attends, je vais y arriver. Et tu le tiens, tu le tiens. Ouais, moi, je le tiens. Allez, Back Your Mat à l'instant et Bruno dans la radio, ce sera dès demain à partir de 6h. Réveillez-vous en pleine forme avec encore quelques petits défis à proposer à Elliot, hein, je compte sur vous. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bon, allez, 23h35, on est toujours en direct au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio avec tous vos messages et puis avec un son que je vous avais fait découvrir aussi hier. C'était le son de Both. Avec Both. Bon, ils se sont pas fait chier techniquement pour trouver le nom du groupe et même le nom, le titre de la chanson. Le mec s'appelle Both. Il s'appelle Both. Jean Both. B-O-T-H. Both. Both. Quelle gueule de merde. Ah, il faut voir la gueule de Toff quand il fait Both. Oh là, un truc de ouf. Bon voilà, Both avec Both. Je vous le mettrai tout à l'heure, hein, puisque vous avez bien kiffé apparemment. Je vous ai mis le clip hier soir sur le Facebook de l'émission. Donc à vous de venir liker ça, tout simplement. Voilà. T'as bien aimé toi ou pas, Mylène, le son de Both? Moi j'ai adoré. Oh, dis pas ça parce que c'est moi. Hein. C'est pas grave, hein. Tu peux me dire que t'aimes pas, je te raccrocherai juste au nez, tout va bien. Non, hein. J'aime pas Britney Spears, mais Both, t'aimes bien, très bien. Et toi Mathieu, t'as écouté ou pas? Ouais, moi j'ai écouté, j'étais avec la radio dans la voiture. Bon, et t'aimais bien ou pas? J'ai bien aimé, je veux pas que tu me raccroches au nez surtout. Mais non, t'inquiète pas. Attends, je continue avec Morgane. Morgane, t'as bien aimé ou pas? Moi tu vas peut-être me raccrocher au nez, mais j'accroche pas. Ah bah casse-toi. Attends, j'ai un message là, justement, là qui est arrivé rien que pour toi. Là. Attends. Il arrive, voilà. Espèce d'enculé, va. Voilà. D'accord. Bah, bravo, Morgane. Pas de soucis, je le prends pas mal. J'imagine. Colin, t'as aimé ou pas? Oui, ça va. Ouais, t'en fous toi, t'en as rien à foutre, t'es là dans la radio, tu profites, t'es bien. On peut dire que c'est boss, hein. C'est boss. Et Mathieu fait pas le malin avec les jeux de mots toi. Bon, ouais. et Anthony, toi, t'as bien aimé ou pas? Bon, ça passe bien. Ça passe bien, bon bah très bien. Vous allez voir quand vous allez l'avoir entendu plusieurs fois là. Vous il y a de la mollesse là dans l'air. Ouais, un petit peu, ouais. Bon ben Anthony, tant que t'es là, on va en profiter. Tu vas nous faire la petite colle de soir là pour repartir avec GTA 5. Oui, bien sûr. Allez, t'es sûr hein Anthony, ça t'emmerde, tu me le dis hein. Bon, non, je rigole. Ah bon, allez, c'est parti, on y va. Anthony, répète encore un coup la colle. Et puis après, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous allez pouvoir peut-être repartir avec votre console PS3 et le jeu GTA 5. Alors vas-y, Anthony. Alors, je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Bon, alors, je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, non, c'est quoi? Je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Vous avez la réponse. Vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Isaline qui proposait le répondeur. Peut-être. Bon, c'est oui ou c'est non? Non. Bon, on dit pas peut-être alors. J'aurais mis un suspense. Bah oui, c'est ça. Julianne qui dit un standard. Non. Non, pas la voix. Non. La messagerie. Non. Téléphone portable. Non. Il y a Théo qui dit la colle, c'est le devoir qui appelle. Hein, pas con. Non. C'est pas ça. L'ordinateur. Non. L'horloge parlante. La bite. Oula. Non, c'est pas ça non plus. Non. Merde. Bon, si vous avez la bonne réponse, hein, 64 900 par SMS, donc débutez le message par Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Anthony, à tout à l'heure. Ok. Et vous avez jusqu'à minuit 30 pour vous inscrire, on fera le tirage au sort tout à l'heure, pour vous offrir tout simplement votre PlayStation 3 et votre jeu GTA 5. D'ailleurs, pour ceux qui veulent lire la colle, parce que peut-être qu'ils s'en rendront peut-être plus facilement compte de la réponse, rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et un truc assez surréaliste, Mylène, Mathieu et Morgane, là, c'est que vous vous souvenez, j'avais parlé du message de El Pocho, c'est une fille qui avait reçu un message de sa tante, là. Oui. Voilà, qui avait reçu un message de sa tante qui s'est trompé de destinataire en envoyant un message à son plan cul. Et donc je relis pour ceux qui viennent juste de débarquer. Donc c'était la tante qui avait envoyé un message en disant salut, tu vas bien, c'est ton plan cul préféré, ton mec est pas là ce week-end, alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être se voir. Si ça te dit, ta grosse queue me manque, gros bisous où tu veux, signé Marie, donc ça c'était la tante. Et puis 30 secondes après elle envoie un message toujours à la fille quoi. Coucou ma chérie, tu aurais pas reçu un message de ma part? Si c'est le cas, je suis désolé, je me suis trompé de personne. Bonne nuit ma puce. plus. J'espère que je t'ai pas réveillé, signé Tata. Et heureusement, donc, El Pocho, donc, cette auditrice, répond coucou Tatoune. Non, non, t'inquiète pas, j'ai rien reçu, bonne nuit. Hein. Et évidemment, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de le retweeter, bien entendu. Et en fait, El Pocho, apparemment, écoute l'émission, puisqu'ils disent, ils ont parlé de mon tweet sur Fun Radio dans l'émission de Mickaël. Je suis super choqué de dingue. Bah, non, pourquoi El Pocho, ça nous a bien fait marrer. Hein. El Pocho, on va essayer de choper ton numéro de téléphone pour t'avoir à l'antenne, là, histoire de voir un peu comment ça s'est passé et quand ça s'est passé, surtout parce que ça m'a quand même bien fait marrer. Bon, alors Morgane, toi tu nous avais appelé parce que comme Mylène, tu t'es déjà trompé de destinataire, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, si tu veux, je suis partie en vacances là une semaine avec mon plan cul. Ouais. Et j'ai, en fait, j'ai envoyé un message, enfin, je pensais envoyer mon message à ma meilleure amie en lui disant, bah, avec elle ça se fera pas, elle est vraiment, enfin, je me fais chier au lit avec elle, quoi. Et en fait, je lui ai envoyé, en fait, elle est au travail, et je lui ai envoyé à elle au lieu d'envoyer à mon meilleur ami, à ma meilleure amie du moins. Et elle est rentrée. Elle m'a lancé un méchant regard et en fait du coup bah, je me suis planqué toute la semaine quoi. Mais elle a raison, elle a raison. C'est normal. Je m'en suis voulu toute la semaine quoi. Non, mais tu t'attendais à ce qu'elle fasse quoi surtout, c'est ça la question? Ben en fait le truc c'est que je pensais pas qu'elle allait, enfin comment dire, je pensais qu'elle allait pas m'en parler. Parce que c'est quelqu'un qui est réservé à la base. Bah, attends, pas quand même. Mais oui, attends, moi je reçois le message comme ça de la meuf avec qui je suis. Il me dit ouais, je suis en train de me faire chier comme un rat là. Et, franchement, je lui dis bah écoute, c'est quoi le message exact que je lui ai envoyé à ma meilleure amie, je lui ai dit en baisant avec elle, j'ai l'impression de jouer à des Game Boy quoi. Waouh. Ah ouais. Du coup, elle a un peu mal pris en fait, ce qui est normal. Hein. Bah oui, un peu, ouais, en fait. Ouais. Mais bon, bah au moins, je suis en même temps, elle était en train de tomber amoureuse, donc comme ça, je suis sûre qu'elle me foutra la paix quoi. Bah, tu m'étonnes. Oui, ça c'est sûr. Bon, et le message aussi qui est arrivé. C'est peut-être un mauvais aussi, hein, quand même. Hein. De quoi, Mathieu? C'est peut-être un bon moyen pour qu'elle foute la paix, mais. Quand ah bah là, même, c'est fait, hein. Ouais, c'est clair. Ah bah là, c'est complètement bah pris. C'était vraiment pas voulu, quoi. Encore en vrai. Parti dans mon truc. Il y a Thibaut aussi qui dit je vais finir par faire une crise cardiaque à cause de vous, là, vous me faites marrer. Et Alexandre qui dit salut, Mickaël, tu pourrais mettre Linkin Park et Steve Aoki. Après, s'il te plaît, j'adore le son. Ouais, je te le mets dans moins de 30 minutes, Alex, le son de Linkin Park. T'inquiète pas, reste avec nous. Bon, ben, Morgane et Mathieu, merci à vous, Mylène aussi, vous revenez quand vous voulez. Hein. Une petite dédicace. Allez, vas-y, Matt. Je fais une petite dédicace à mon pote qui écoute dans sa voiture, Jérémy, quoi. Et très bien. Franchement, c'est super sympa d'être venu me taper ce soir avec moi. Si pareil, vous pouvez passer un petit message pour passer mon numéro, il n'y a pas de souci, parce que moi, j'ai n'importe quelle heure. Bon, on fait comme ça, merci à toi, Matt. Ciao à toi, bye bye. On revient dans un instant, vous bougez pas de là, c'est Mickaël de Limite sur Fun. 23h-2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les colas. No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, dans toute la France, 23h46. Et il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure à partir de 6h sur Fun. Donc si vous voulez profiter, hein, y aura tout à l'heure JB avec le son des Flores toute la nuit sur Fun Radio. Et en attendant, gros délire en prévision encore jusqu'à 2h du mat. Dans un instant, on parlera également ménage. Vous allez voir, on va bien se marrer. Le ménage dans quelques instants. J'ai gagné ménage. T'as vu un peu. Donc on fait ça dans un instant sur Fun Radio. Tous les messages qui arrivent et déjà en top tweet alors qu'on vient de commencer. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Surtout qu'on demande rien, nous, c'est un truc de ouf. Mais non, mais t'es beau. Et ça arrive. Oui, ça c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec moi. Avec toi, pardon, je me suis vu dans un miroir tout à l'heure. Je me suis dit, je me le taperais bien ce mec si j'étais gay. Tu vois, mais je suis d'accord avec moi, comme d'habitude. Tout à fait. Oui, t'as raison. Voilà. Bon, allez, il y a toujours la PS3 à gagner aussi. La PS3 avec le jeu GTA 5 qu'on vous avait fait découvrir offert en exclu depuis la semaine dernière, depuis lundi. Eh bien, il y a la question d'Anthony. Je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? La bite, non? Non, c'est pas ça. Arrête. C'est un auditeur qui vient de dire existence physique. Bah oui, bon, physique. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900. Et si vous voulez la lire, elle est disponible aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et puis je vous l'avais promis tout à l'heure, le son de Selena Gomez qu'on écoute tout de suite, c'est Slow Down. Et il y a Linkin Park aussi à suivre dans moins de 20 minutes sur Fun. Tous les soirs 23h-2h, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, là, c'est parti. Plus de pub maintenant. On est à la cool avec Selena Gomez à l'instant. Et puis on avait demandé le son de Linkin Park qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Je vous cadrerai aussi le son de Baouf. Son que j'avais fait découvrir hier. Baouf avec Baouf. B-O-T-H quoi. Baouf. Voilà, je vous le mets dans un instant sur Fun Radio, donc restez bien là. Et puis plein de messages aussi. Il y a Jess qui dit c'est quoi le titre de la musique? Là, mon Shazam veut pas marcher. Ah, celui qu'on vient de mettre, c'était Selena Gomez avec Slow Down. Voilà. Alors, il y a quand même qui dit putain, ça enchaîne les bons sons là. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce que tu crois, normal. Il y a quoi aussi, Ludo qui dit coucou. Moi aussi, je voulais envoyer un message à ma copine en lui disant que son cousin me gonflait et que c'était un gros con. Et en fait, je l'ai envoyé à lui. Il y avait bon, quoi ça. Aussi. Bah oui, Boris aussi qui dit je voudrais bien. Attends, j'aimerais bien que vous foutiez un petit coup de pelle à Toff pour ma bienvenue. Oui, je suis un petit nouveau. Mais bien sûr, Boris, avec plaisir. Un coup de pelle dans la gueule de Toff là, si c'est demandé, c'est gentiment. Voilà, exactement, tout simplement. Bon, et puis Megumi aussi qui dit il va se torcher au bar, mais il demande la permission au maître Michael. Oui, peut voir ça comme ça, peut-être, pourquoi pas. Et Stéphanini qui dit si bah non je vais trop vite, du coup je l'envoie souvent, je jouis au lieu de je suis. Ah oui oui oui, quand tu envoies ouais je jouis au lieu de je suis, effectivement ça le fait pas quoi. Ça dépend à qui tu l'envoies, mais sinon ça le fait pas. Note si tu veux l'envoyer chez nous, il y a aucun problème. Moi, la fille qui me l'envoie, ça m'excite tout de suite. Hein. Ah ben voilà, c'est ça, normal. Bon, et puis on va parler aussi d'un sondage sur lequel on est tombé, hein, et que Tov va pouvoir évidemment vérifier. Bien sûr, moi je vérifie tout ce que tu veux. Comme d'habitude, les femmes apparemment préféreraient faire le ménage plutôt que l'amour. C'est un truc assez improbable. Je me demande à un moment comment c'est possible. Alors, premier sondage peut-être à vérifier chez Sandro. Hein. Est-ce que tu préfères faire l'amour ou est-ce que tu préfères faire le ménage? Comment te dire que j'en ai marre de faire du repassage? Ah, je croyais que tu dire comment te dire que j'en ai marre de me faire baiser? Ah non. Bah non, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah, si vous êtes, bah si vous aimez faire le ménage, les mecs, il y a de quoi faire. Hein. Il y a Sandro qui a des. Ouais, ouais, il y a des toiles d'araignée enlevées. Vous vous souvenez de cet épisode extraordinaire de la vie de Sandro? Non. Quand on va chez elle le soir vers 2h du matin, à une époque on est sorti de boîte ou je sais pas quoi, on va chez elle. Elle nous laisse dans le salon et elle va faire le ménage. Elle passe l'aspirateur. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, j'étais bourré. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est normal. En réalité, c'est bien parce que si vous sortez avec Sandro un soir et que vous voulez qu'elle fasse le ménage chez vous, vous lui bourrez la gueule et puis après elle fera Conchita. Ah ouais. Non, mais c'est ça qui est énorme, c'est que t'invites Sandro chez toi, elle te fait quand même le ménage. Ouais. Bah, c'est ah pratique. Ouais, c'est vrai. Je fais la vaisselle et tout. Exactement. Ouais. Mais c'est un toc, c'est pas normal. Hein. Bah ouais. Et Samuel, toi, tu préfères faire l'amour ou le ménage? Difficile à dire. Ah, j'aime bien les deux. Ah, ah non, t'es sérieux Samuel? Ouais. J'aime donc, bien le ménage, j'aime bien la vaisselle. De la chance ta copine. J'aime bien l'amour aussi. L'amour. C'est bon. Ouais, mais tu préfères quoi? L'amour. Allô. Bah, je dirais l'amour quand même. Ah quand même, ah. Ouais, mais voilà, rassuré quand même minimum. Bon bah du coup on va déjà venez nous dire hein, les filles ce que vous préférez, hein, est-ce que vous préférez faire l'amour ou le ménage. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon Toff, on teste le petit allez, le, on y le va. Petit sondage. Allez. Allez, et si vous avez des numéros aussi de gens, vous êtes sûr qu'ils sont encore debout à cette heure-ci, là aussi hein, vous envoyez ça à Sandro sandro@funradio.fr. Des gens qu'on peut appeler évidemment assez tard pour vérifier justement nos petits. Oula sa gueule, nos petits. Petit sondage. Allez, c'est parti, on y va, premier appel. Reste avec nous, Samuel. Hein. Oui, je reste là, moi, merci. Très bien. Ça fait un peu bizarre. Hein. Mais non, t'inquiète, t'as la maison ici, Samuel. Oui, mais c'est bien. Merci. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est pourquoi? Ben, en fait, je voulais savoir pourquoi votre femme, elle préfère faire le ménage plutôt que de vous faire l'amour. Allez vous faire foutre. C'est pas gentil, ça, monsieur. Mais attendez, mais vous êtes qui, monsieur? Bah moi, je suis Toff et je mérite pas autant de méchanceté. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Bah moi, je vous raconte rien, je vous demande juste pourquoi votre femme, elle préfère faire le ménage à faire l'amour avec vous. Mais espèce de connard, j'ai même pas de femme. Ah bah oui, forcément. Va te faire foutre, connard. Oh le pauvre. Oh bah le pauvre, mais bon, en même temps... Et Toff qui se fait insulter, c'est... Pour rien. Eh bah lui, doit pour faire, rien. Il doit faire le ménage, ça doit être propre chez lui, là, que ça a foutre. Ouais, ah ouais, connard. Espèce de connard. Bon, bon, on en c'est appellera d'autres. Femme. On en appellera d'autres tout à l'heure, là. Si vous avez des numéros à balancer, sandro@funradio.fr, vous lui envoyez les numéros par mail. Et puis, bah nous, on l'appellera tout à l'heure avant 2h du matin. Bon, Samuel. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène, toi? T'appelles de Meurthe-et-Moselle, de Houdemont? Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Sam? HDT. Comment? Bah, en fait, j'ai eu un méga problème, en fait. Hier. T'habites à Woodmont, c'est ça? Il y a quelques temps, j'ai rencontré une fille sur Badou. Où tout le monde connaît Badou. Ah, oui, on connaît bien, ouais. Fameux Badou. Voilà. L'endroit préféré en fait, de Toff. Pas du tout, je n'aime pas du tout Badou. Et je lui ai parlé, elle m'a parlé, elle m'a répondu. On s'est échangé des rires, des trucs comme ça. Et peu de temps après, elle voulait mon Facebook, tu vois. Donc moi, je lui dis, vas-y, ouais, pas de soucis, je te le passe, tu vois. Je lui passe tout, on s'échange, on parle sur Facebook, tout ça. Je vois son Facebook, ses photos. D'ailleurs, je le donne pas, normal, hein, tu vois. Non, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, écoute, hein, ouais, je me demandais, j'entendais plus rien. Et en fait, si tu veux, un peu de temps après, une fois qu'on était sur Badou, sur Facebook, elle m'a dit, Hey, j'ai Skype et tout, tu veux faire un skip avec moi, tu vois? Skype, Skype. Désolé. Skype, c'est-à-dire je te dégage, hein, je passe au suivant. Ouais, bon, et toi, un skip. Ouais, on fait un skip, tranquille, pépère. Ouais, c'est comme les gens qui disent un iPad ou un iPhone. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ceux-là? Complètement. Bon, et donc, alors, vas-y, continue. Ouais, en fait, bon, moi, j'ai accepté, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais l'avoir en cam et tout. Donc, du coup, on fait une fois, tu sais, je télécharge sur mon portable l'application. Ouais. On fait une fois et je me mets à la voir et tout ça, tu sais, je me dis, putain, elle est floue et tout, tu vois. Mm-hmm. Mais elle est pas vraiment comme sur les photos. Je fais, bon, bah, c'est peut-être la caméra qui fait flou, tu vois. Ouais. En fait, elle était floue naturellement, quoi. C'est ça que t'essaies de nous dire. Ouais. Tu la meuf, elle est floue. Ouais, tu la croises dans la rue, tu la vois pas bien. C'est ça, c'est crypté. Je pense que tu balises hein, si tu croises une meuf floue pour de vrai. C'est ça. Bon. Je sais pas si t'as vu sur tes messages dans Facebook quand je t'ai envoyé tes messages là. Ouais, c'est pas, non, je suis, c'est-à-dire, comment t'expliquer que je suis à la bourre au niveau des messages? Je vais répondre à tout ça ce week-end. Parce que là, j'ai répondu à tout le monde sur le Twitter. Là, je suis à la bourre sur Facebook. Mais ça va venir. Parce que je t'ai mis le lien en fait de la vidéo qu'elle a pris en fait. Ah non, merde, en fait, bah tu non. Veux la meuf, si tu veux la meuf avec Skype, on a fait un... C'est de la lessive. On a fait une cam le soir, tu vois, ouais. Et elle a voulu qu'on s'excite, tu vois, qu'on rigole, qu'on se enlève nos maillots, tout ça, quoi. Tu ouais. Vois. Et si tu veux, on l'a fait, tu vois, c'était bien, c'était ma première expérience, hein, sérieux. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, ouais, oh, vas-y, ça pète, on va voir ça, tu vois. Et là, et peu de temps après, comme ça... Les messages, attends, je vais les regarder vite, vite, vite. En fait, si tu veux, elle a dit, elle a dit mon nom et mon prénom. Et puis elle m'a dit, ah merde, je retrouve pas, si je retrouve. Excusez-moi. Non, oh, bah vas-y, fais ton aise, t'inquiète, on est à la maison aussi. Hein. Ah, tu trouves ouais, Samuel. Ouais. T'as retrouvé? Il y a Max Debo qui dit aussi j'ai skip moi pour nettoyer les vêtements. Et toi qui tu peux faire le ménage tout en faisant l'amour, ça dépend sur quoi ou sur qui tu tombes, mort de rire. Oui c'est vrai Thomas. Et Stéphanini qui dit perso je déteste faire le ménage, vous pouvez en déduire ce que vous voulez, mais on déduit ce qu'on veut, Stéphanini tout à fait. Et puis il y a Clem qui dit en ce moment je fais plus le ménage et que l'amour. Oui. Dommage. Tu dis Sam? Ouais, en fait, elle me dit, n'essaye surtout pas de couper la cam ou de te mettre hors ligne si tu ne veux pas me voir agir ainsi. Oui, la caméra. Ouais. Couper la cam, c'est un peu mettre un... Si je me déconnecte, elle me dit, je commence à faire ta vie un enfer sur Terre. Ah oui, donc la meuf, déjà, dès le départ, elle est cool, quoi. Ouais, ouais, non, mais je le dis direct, quoi. Bon, et c'est sympa. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? C'était juste pour raconter l'histoire ou tu voulais... Bah, je voulais savoir, en fait, parce qu'elle l'a mis sur YouTube, la photo, la vidéo, en fait. Ah ouais. C'est bon, elle a menacé, tu vois. Ah bah attends, parce qu'on va trouver la vidéo sur YouTube, on va la partager. Ah ouais. Excellent. Bah mais non, ça, bah attends. Tout. Moi, franchement, ça me dérangerait pas si personne sait mon identité, sauf mes amis qui m'écoutent, big up, bien sûr. Bien sûr. Ah, oui, là, je la clique d'où le monde. Ouais. Ouais. Et en fait, si tu veux, elle l'a mis sur YouTube et elle l'a mis aussi, elle voulait l'envoyer à mes contacts aussi, Facebook. Ah ouais, donc c'est vraiment une plaie en fait la meuf. À ma tante, encore la tante, t'es nouveau là. Bon, attends Samuel, deux secondes, je vais demander l'avis tiens, des autres. Est-ce que vous avez déjà été victime comme ça de votre copain ou de votre copine? Genre, tu sais, une fois que c'était terminé, vous avez une vidéo un peu suspecte, un peu tendancieuse ou une photo, et genre, hop là, balancée sur le Facebook. Alors déjà évidemment. Vous nous envoyez la photo ou la vidéo afin qu'on puisse juger si oui ou non c'était tendu. Donc mikl les 4 lettres @funradio.fr. Et bien entendu, nous vous parlerons avec plaisir. Ou vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon bah Samuel, reste avec nous. Colline, ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Non, moi jamais. Jamais, c'est ouais. Déjà à qui c'est arrivé. Ah bah très bien, bah, tu vas nous raconter ça dans un instant, tiens. Et puis on a récupéré El Pocho qui est avec nous là, ça va? Ça va. Bon, salut, alors El Pocho, donc, et c'est quoi ton prénom en fait? C'est Camille. Camille, très bien Camille. Bon, et donc Camille, donc c'est toi qui es la star d'internet là pour l'instant? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, puisque c'est toi qui nous avait, enfin qui nous a pas envoyé, mais on l'a trouvé ça sur internet. Et qu'est-ce que ça m'a fait rire? Et donc c'est ta tante en fait qui a envoyé un message. Je l'ai mis la conversation sur le Facebook, hein, pour aller voir sur facebook.com/mikl officiel. Et donc ta tante a vraiment envoyé le message texto? Ouais, bah en fait, je pense qu'elle voulait envoyer ça à son plan cul, puis en fait, elle s'est trompée, elle m'a envoyé à moi. Ah bah ça c'est sûr, mais c'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors l'autre, elle se fout de notre gueule, c'est pas possible. Et donc, ta tune, elle est comme ça, alors? Et elle est comme ça, oui. Ah putain. Donc alors pour ceux qui viennent de débarquer à minuit, on sait jamais. Donc c'est donc El Pocho sur le Twitter, donc alias Camille ici dans le standard, qui avait tweeté parce que t'es quand même une grosse garce quand même, hein, Camille, hein, parce que tu dis à ta tante. Non mais c'est vrai. Tu dis à ta tante. Non t'inquiète pas, j'ai rien reçu. Et hop tu tweets ça, donc c'est à dire que tout le monde est au courant. Et donc elle avait envoyé ta tante sur ton portable. Salut, tu vas bien? C'est ton plan cul préféré. Mon mec est pas là ce week-end, alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être recevoir, si ça te dit. Ta grosse queue me manque. Avec trois gros smileys, gros bisous où tu veux, signer Marie alias Tatoun. Et puis hop, direct elle enchaîne la tante avec coucou ma chérie, donc ça c'est pour toi. Tu aurais pas reçu un message de ma part? Si c'est le cas, je suis désolée. Je me suis trompée de personne. Bonne nuit ma puce, j'espère que je ne te réveille pas. Signé Tata. Et évidemment, hein, Camille qui est très gentille, il dit coucou Tatoun. Non. Ne t'inquiète pas, j'ai rien reçu. C'est bonne nuit quand même. Et directement, il s'est passé quoi? Paf, sur Twitter. Hein, c'est pas ça que t'as fait là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, Tatoun, là, ça s'est passé quand cette histoire? Bah, ça s'est passé il y a 2-3 jours à peu près. Je me rappelais même plus. Oui, c'est ça. 2-3 jours. Ah ouais. Putain, il y a déjà quasiment 1000 likes, hein, sur le truc, hein, sur la page de l'émission. Non mais c'est énorme quoi, quand j'ai vu les retweets sur Twitter, franchement je revenais pas quoi. Ah non mais c'est exceptionnel, Ah oui. C'est à mourir de rire. Et donc du coup ta tante elle est toujours au courant de rien là? Elle est toujours au courant de rien, mais comme à mon avis la photo circule sur Facebook, je pense qu'elle va bientôt le savoir. Ah ouais, mais comment te dire que... Mais elle est avec tonton encore ou... Oui, encore, oui. Ah bah plus pour longtemps grâce à toi hein, Camille hein. Bravo. Il y a Antoine qui dit Mickaël. Camille, c'est celle qui a, comment dire, failli la réputation de sa tante. Oui, c'est ça Antoine, effectivement. Ouais. Ça, oui. Et il y a le prince qui dit Tatoune est chaude. Ah ouais. Ah ouais, Tatoune est très chaude. Ouais, d'après son, ouais. J'espère que ça va pas faire un trop gros buzz. Hein. Non, mais pas du tout. Mais quel âge est là Tatoune? 31 ans. Oh putain, c'est parti, ça. Attends, et pourtant elle aurait été au taquet là. Tu veux pas qu'on l'appelle? Non c'est bon. Ah putain, parce que Toff lui justement il était en recherche là, 31 ans c'était pile. Au point où on en est, on peut tous y aller hein. Ouais bah oui c'est ça ouais. Allez Tatoun. Allez Tatoun. Bon bah si Tatoun nous écoute, hein, qu'il appelle hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Pas de problème. Et si Tatoun est célibataire dans quelques jours, je serai là pour la consoler. Bon, visiblement, bah, je pense, oui. Visiblement, elle n'a pas besoin d'être célibataire, hein, s'en fout. Oui. Ah non, c'est bien. Bon, bah écoute, Camille, mais merci à toi. Tu connais cette émission ou t'as découvert par hasard? Oui, j'ai découvert par hasard. Eh ben voilà, bah écoute, sois la bienvenue du coup. Hein, voilà, tu vois qu'on aime bien Tatoun chez Fun. Oui, c'est clair. Voilà. Eh ben écoute, bah merci Camille, puis je te fais des gros bisous. Hein. Bah merci, et je peux faire une dédicace? Ah bah vas-y, tant que t'es là, profites-en justement, tiens. Alors, je voudrais faire une dédicace à Tiffany, à Jordan, à ma mère, parce qu'elle était contente que je passe à la radio. Oh bah oui, bah en plus, elle va être contente. C'est sa sœur, Tatoune, ou pas? Bah oui, c'est sa sœur, oui. Oh mais... bah, putain, c'est bon, ça. Tatoune. Ah, une grande star, là, Tatoune. C'est parfait. C'est très, très bien. Bon, et voilà, il y a tous les gens qui me reconnaissent, et voilà. Ah bah t'inquiète pas, à mon avis je pense que tout le monde t'a reconnu maintenant. Hein. Je pense, oui. Ah ouais. Et donc comme on l'a dit, hein, si Tatoune devient célibataire un jour, là, alias Marie, là, qu'elle n'hésite pas à nous appeler. Hein. Pas de soucis, je vous rappellerai, je vous donnerai son numéro. Avec plaisir, on compte sur toi. Avec plaisir. Bon bah salut à toi Camille, gros bisous. Merci beaucoup. Et vous pouvez la retrouver hein, Camille, c'est El Pocho sur Twitter là, voilà. Elle. Merci. Voilà, bisous. Je t'en prie, bisous Camille. Bisous, Camille. Ciao à toi. Bon bah bonne chose de faite, tiens, hein. Ouais, c'est un bon plan mal, ça. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ont demandé aussi qu'on remette le canular qu'on avait fait la semaine dernière avec Greg. Souviens quand on avait fait les sadomaso, la soirée sadomaso. Ah, on va le remettre tout à l'heure là, vous inquiétez pas. Et puis on va faire le eh ben les teubés aussi de la télé dans quelques instants sur Fun Radio. Le temps de d'écouter le son de Linkin Park. On l'avait demandé, c'était Alex si mes souvenirs sont bons qui avait demandé le son de Linkin Park. On va se le mettre maintenant. Encore un son que vous avez découvert sur Fun Radio. C'était il y a 2 semaines maintenant. Linkin Park et Steve Aoki qu'on écoute tout de suite. A Light That Never Comes sur Fun. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. C'est Fun Radio Linkin Park à l'instant avec Steve Aoki. C'était A Light That Never Comes. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et il y a Tommy qui a envoyé un message aussi sur le Twitter là, qui dit Tatoune est chaude comme de la braise. Il y a Lynn aussi qui dit Camille, tu nous fais rêver. J'espère qu'elle va pas aller sur Twitter, ta tante là. Megumi aussi qui dit j'ai envie de dire Tatoune. Attends, hashtag Tatoune est une cochonne en top tweet. Allez, la team Mickaël. Ça peut me faire rire. Hein, ça peut me faire marrer. Ça peut me faire marrer. Il y a Celle aussi, Celle23 qui dit le seul truc que j'ai retenu de son histoire, c'est Skip et la meuf floue, mort de rire. Ah oui, c'est avec Samuel qu'on va récupérer récupérer dans quelques instants là avec Samuel. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé justement d'avoir un problème avec une ancienne copine ou un ancien copain à vous? Vous aviez fait la connerie de faire une vidéo ou des photos un peu cul. Et donc du coup bah c'est ce que ça s'est retrouvé sur Facebook. Voilà, Facebook, internet dans l'absolu. Venez nous en parler, on va reparler du ménage dans un instant avec encore quelques appels de Toff. Mais avec plaisir. Bah voilà, on va faire ça dans un instant. Et avant ça, eh ben les teubés de la télé. Hein. Et cette fois-ci, c'est dans l'île des vérités. Là, il y a Beverly. Alors, je sais pas si vous suivez un petit peu, mais il y a Beverly donc qui nous a encore montré sa parfaite maîtrise de la langue française. Hein, au final. Tu vas faire ce que je te dis. Non, aujourd'hui, c'est pas le mauvais moment que je le voie. C'est pas le mauvais moment que je le voie. Eh oui. Quel talent! Et donc, du coup, dans les 12 coups de midi, on a au couru également eu droit à un champion du monde! De quoi souffre une personne qui a peur d'être enfermée? Du noir! Claustrophobie! Eh oui, non, elle souffre du noir! Ce n'est pas de la claustrophobie, elle souffre du noir! Eh oui! Et le meilleur, c'est pour la fin, c'est Christopher des Ch'tis Hollywood qui s'emporte un petit peu. Je suis quand même devenu de moi-même, je n'ai pas demandé que vous aimiez. Et puis voilà, je vous demande juste, bah, pardon, qu'est-ce qui se passait? J'étais vraiment love et puis voilà, l'amour ça rend aveugle. Et puis je m'excuse, tout qu'est-ce qui se passait, c'est tout. Et puis bah, tout qu'est-ce qui s'est passé entre nous, bah, je peux jamais oublier, c'est pas ça, j'étais vraiment mal et tout. Non mais c'est improbable quand même, c'est-à-dire que le mec, on comprend rien à ce qu'il raconte quoi. Mais tellement rien. Qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'étais là, ouais. qu'est-ce qui s'était passé. Et l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle, on va le remettre parce qu'on a peut-être pas tout compris. Je suis quand même devenu de moi-même, j'ai pas demandé que vous aimiez. Et puis voilà, je vous demande juste, bah, pardon, qu'est-ce qui se passait. J'étais vraiment love et puis voilà, l'amour ça rend aveugle. Et puis je m'excuse, tout qu'est-ce qui s'est passé, c'est tout. Et puis bah, tout qu'est-ce qui s'est passé entre nous, bah, je peux jamais oublier, c'est pas ça, j'étais vraiment mal et tout. Oh putain, mais lui, il est complètement barré. C'est énorme. Bon, allez, les teubés de la télé qui reviennent évidemment dimanche soir à partir de 20h sur Fun Radio. Donc restez bien sur Fun Radio, bien entendu, tout le week-end avec Party Fun, etc., etc. On aura le son de Both dans quelques instants sur Fun Radio. Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais il va arriver. Et puis il y a aussi Tanguy qui salue les gars. Je voulais savoir si la musique de Prodigy, remixée par Fédé Legrand, s'il y a moyen de la passer. Et oui, on va te la mettre. Je rappelle que si vous voulez choisir un titre en particulier, n'hésitez pas à demander, hein, hashtag et Mickaël. Bah c'est pas compliqué, depuis 23h30 on met que ce que vous avez demandé là. On avait demandé Selena Gomez, je l'ai mis. Fédé Legrand, il va arriver. On avait demandé Linkin Park, je l'ai mis également. Donc bah voilà, continuez à demander, hein, les sons tout simplement. Vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter. C'est aussi simple que ça. Et puis vous avez été nombreux également cette semaine à dire ouais, si vous pouvez remettre le moment où vous avez vous êtes fait passer pour des sadomaso là, pour la soirée spéciale sadomaso, c'était avec Greg. Eh ben on va vous la remettre maintenant juste. Justement, et continuez avec le hashtag et Mickaël. En attendant, on va récupérer Anthony aussi avec la colle. On va peut-être le faire maintenant, tiens, comme ça on donne la réponse après le canular. Toujours là, Anthony? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, vite fait, avant de récupérer Greg pour le canular spécial sadomaso, on refait un petit coup de colle. Répète la colle. Alors, je réponds toujours quand on m'appelle, ouais. Pourtant je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre jeu GTA 5 plus la console PlayStation 3. Alors on proposait ton prénom? Non. Non, un ascenseur? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah le prénom on l'a déjà dit. Siri. Ah sur l'iPhone, non c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Le silence? Non. Un SMS? Non. Un avatar? Non. Une marionnette? Non. La télé? Non. Internet? Non. Bon, une bite, oui. Ouais non plus. Bon, vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et donc Anthony qui posait la colle. Je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. On te récupère dans moins d'un quart d'heure, Anthony, d'accord? Pas de soucis. Bon, et on donne la réponse avant minuit 30 sur Fun Radio. Et vous pouvez aussi aller voir la question sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et puis on a justement le canular sur les sadomaso maintenant. C'était avec Greg qui était avec nous là. Comment il allait, Greg? Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable, impeccable. Bon, t'appelles pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai Adeline, une copine qui est une amie de ma femme, voilà. Ouais. Ma chérie. Oh, c'est mignon. Oui. Tu es avec elle depuis combien de temps? 3 ans. Ah oh, quand même, très bien, d'accord. J'ai perdu beaucoup de temps, ça c'est pratiquement un par an. Oui, je tiens le coup, ouais, c'est bon. Non, mais c'est bien. Encore, bien. encore 5 et j'arrête de travailler pour les allocs. Bon, très bien. Et donc alors on va l'appeler, hein. Tu vas lui faire croire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux alors, la rendre dingue? Que je suis avec des potes dans une soirée SM. Mais en plus. Attends, soirée SM, attends, je vais regarder fixe. Parfait. Définition. Parfait. Mais en plus ça risque d'aimer. Hein. Allez, très bien, bah j'ai que des meufs, hein, je suis désolé. T'inquiète, hein. Avec Polo on fera les mecs. Ah bah génial, parfait, me voilà rassuré. Bon, et donc t'es dans une soirée SM et c'est quoi, ouais. C'est juste pour la rendre jalouse, c'est quoi l'idée? Et qu'en fait, ouais, c'est pour lui mettre un petit coup de pression, mais c'était aussi pour que les amis me laissent partir de cette soirée, il faut qu'elle me ramène des ingrédients. Des donc, ingrédients? Ouais. On voudrait faire un gâteau sur place avec un gâteau. Très bien, ok. Bon, et eh ben écoute, on va l'appeler, on va voir comment ça va se passer. On l'appelle maintenant, elle s'appelle comment elle? Adeline. Et ta copine, elle s'appelle comment? Vanessa. Et bon, là, on va dire qu'on est des potes. Bon, elle nous connaît pas, mais voilà, on est des potes, quoi. Ouais, des potes à Vanou, voilà. Vanou, Vanou, d'accord. Bon, on y va, on l'appelle et écoute, tu commences. Hein, moi, je mets la musique de fond. Alors, qu'est-ce que je mets en fond là? Fais de le grand. C'est bien ça. Mais oui. Voilà. Allez, vas-y. Derrière, je mettrai Animals avec Martin Garrix, comme ça fera des petits bruits d'animaux, comme ça, on va être dans le SM, c'est parfait. Allez, on y va. Vas-y. C'est parti. On l'appelle. Bonne chance. Et nous, on est derrière, on te laisse passer au début là, et on est pas loin. Allô? Allô, Adeline? Oui. Oui, ça va, c'est Greg. Salut, ça va? Ça va, et toi? Faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. Ouais, je suis avec des copains, je suis dans un endroit, ils m'ont embarqué dans un endroit. Je suis pas très bien faut pas trop que Manu elle le sache. Pas bien. Faut pas que Manu elle le sache avec des copains. On est dans une soirée SM. Donc tu vois, pour moi, pour toi, c'est la première fois que je colle les pieds dans ce genre d'endroit. Je suis vraiment pas à ma place. Faut que tu viennes me chercher. Comment ça t'es pas à ta place? T'es en train de faire des trucs chelous ou quoi? Non, c'est pas bizarre. Attends. T'as laissé ta femme pour aller te faire prendre? T'es sérieux là? Mais non, t'inquiète pas. Mais non, pour être toi, c'est moi qui viens de me chercher. Mais c'est quoi des bruits bizarres derrière toi, s'il te plaît? Mais c'est les copains, c'est rien, t'inquiète pas. Ah bah ils sont bizarres tes copains. Hein. Non, ils sont pas bizarres. Mais ouais, faut absolument que tu viennes me chercher. Mais faut pas que Manuel sache. Ah. Je compte mais tu lui as dit hein. Quoi? De quoi? Et tu lui as dit quoi, sans indiscrétion, que rien, bah, que j'étais parti en resto avec des amis et en fait vas-y, on a dit, Greg, allez, sympa, Greg, on va aller boire un verre là-bas et non mais viens me chercher ça. J'ai sorti les pastétons, qui en veut? Et en plus, c'est cool. Pour que tu viennes me chercher là, on voulait faire en plus un gâteau avec les copains. Ah bah tiens, tu m'étonnes, c'est toi la pièce montée peut-être. Ouais, mais en plus, toi, montée, t'aimes bien. Mais Vas-y, qu'est-ce que tu fous, téléphone? Greg, vous lui cassez une bouteille sur la tête, là. faut que tu viennes me chercher, là, nous. Ah bah ouais, je sens, j'entends, c'est plutôt animé. Ouais, vas-y, me ramène. Mais j'ai besoin de farine, en plus. Allez, enlève-le. Ouais, vas-y, enlève-le. J'ai besoin de farine, là. Ah ouais, bien sûr, t'as qu'à faire. Pourquoi, tu veux faire un gâteau? Ouais, je veux faire un gâteau. Ouais. Non mais t'es taré, mais c'est pas vrai. C'est quoi les bruits bizarres qu'on entend derrière? C'est mes potes. Non Greg, t'es où là? Je suis pas loin, mais faut que tu viennes me chercher. Bah peut-être falloir que tu tires parce que là franchement vas-y un bon trave. Bon je vais appeler un trave. Ouais vas-y appelle-le. Elle arrive ta copine ou pas Greg? Bah écoute elle est pas mon type hein. Oh là là. Tu me dis pour venir te chercher mais pas pour parler à la meuf qui vient se faire péter le cul. Allô? Oh putain la voix. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour nous rejoindre? Franchement, tu me fais un peu peur avec ta voix, tu vois. C'est pas méchant, hein, mais... Mais de toute façon, il n'y a pas que moi à la soirée, tu sais. Non, mais franchement, ça va aller. Il y a plein de potes, on s'amuse. Enfin, voilà, quoi, on est jeunes. Tu vas bien t'amuser. Franchement, tu vas bien t'amuser avec tous tes potes. Mais t'as quel âge? Faut s'en regarder sur ma cocotte. Et dis-moi, Greg, il est célibataire ou pas? Non, il est marié avec mon ami, tu vois. Mais c'est pas possible. Ah, Greg, il va pas se faire bouffer le cul par Tristan. Tu sais qu'il est pas... Enfin, il n'est pas très fidèle. Il est fait, tu vois, donc il est un peu marié, donc il va un peu falloir qu'il... Il va divorcer bientôt, moi, je te le dis. Hein. Allez. Pourquoi? Pour se mettre avec toi? Bah, je sais pas, il est chaud sur moi, là. Il est sur mes côtes depuis tout à l'heure, il me lâche pas. Ah oh, bah, c'est parce que ça doit être facile d'avoir les jambes ouvertes. Ta mère, t'as compris, c'est oui, mais ça, c'est pas une raison. Enfin, si on se plaît, ça t'est jamais arrivé de coucher le premier soir? Ah non, jamais. Greg, arrête, je suis au téléphone. Boum, boum. Excuse-moi, mais je peux te poser une question? Oui. En train de faire des trucs avec le mari de ma pote. Oui. Alors qu'il y a plein de monde autour de toi. Allez. Ouais, mais les autres, ils sont déjà passés. Ouais. Oh, okay. Bah, et toi, t'as personne dans ta vie? C'est bah non, j'ai personne. Moi, je profite de la vie. On est en soirée. On est en soirée échangiste là. Ah, d'accord, mais Greg, il connaît pas ce soirée là. C'est pas trop son truc. Bah, bah si, il connaît. Tu peux nous ramener un foie et de la farine? Il manque de la farine. Oh. On va faire un gâteau. On a faim. Ça donne faim, ça. Ah, bah. Bon, je te repasse, Maurice. T'as l'air un peu chiante. Oh. Bah, ouais, tu vois, ouais, c'est un peu trop sérieux. Ouais, Maurice, tu peux me repasser, s'il te plaît? Michel? Ouais. Ouais. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Passe lui, Jean. Ah non, non, elle est relou, là. Elle est chiante. C'est encore elle. Hé, hey, Adeline. Non, non, mais moi, ça m'intéresse pas, franchement, sérieux. Sérieusement, j'ai plus de voix, là, j'ai plus de voix. Passe lui, Jean. Attends, hé, hey, Jean, prends le téléphone, j'ai plus de voix. Ouais. Allô, Adeline. Allô. Oh, les histoires, t'as la meuf qui est en train de crier comme une vache. Allô, Adeline. C'est qui maintenant? Ouais, moi c'est Maurice. Maurice, Michel, Jean, Jacques, tous les noms ils vont y passer. C'est toi? Ouais, mais non, parce que Greg il m'a dit t'es chaude là. Il m'a dit. Ah non, pas du tout. Mais je pense que la nana derrière toi qui est en train de te faire sauter, elle, à mon avis, elle est chaude. Mais ouais, devrais aller la voir. Ouais, mais je l'ai déjà démonté, j'ai déjà cassé le cul deux fois. À mon avis, tu l'as mal faite, tu dois être mal monté, si je peux me permettre, parce qu'elle est encore en train de crier. Greg, tu dois s'en aller la voir et bien faire ton travail. Arrête, Greg, il m'a dit que t'étais chaude et tout, qu'il y avait moyen de te démonter. Ah, mais Greg, il dit beaucoup de choses, mais à mon avis, si tu veux démonter quelqu'un, comment tu vas le démonter? Arrête, il m'a dit, ouais, on passe facile à trois dessus, arrête. Un vrai barbecue, ouais. Pas du tout, mais Greg, il parle beaucoup, mais pour ce qu'il parle, putain. Ouais, mais toi, je préférerais que tu parles moins et qu'on agisse plus, quoi. Ah bon, allez, tu viens ou pas? Allez, viens, quoi. Allez, viens, je te mettrai des petites pinces aux tétons. Mais moi, j'ai pas de copine, moi. Justement, c'est pour ça que je viendrai pas. Allez, viens, je te mettrai les boules de geisha. On te les enfonce dans le fond. À mon avis, demande à ta copine, à mon avis. Mais on en a pas, justement, là. Mais toutes les filles sont nos copines. Et qui est nous la planche, là? On va claquer les couilles à Greg. Ah, bah, bonne idée. Eh, Greg. Non, en fait, vous savez quoi? Je vais même pas venir le chercher, je vais vous le laisser. Vous allez bien le faire. Eh, Greg. Vas-y. Écoute. Va chez Roger là, il va te claquer les couilles. Des petites couilles. Il aime bien. Ah bah oui, il aime bien ça. Ah, c'est horrible en plus. La meuf, t'as bien ça. Je suis sûr que t'as bien Adeline, allez viens. On aura un bon film de boule. Bon, Greg, t'as fini de faire le con? Bon, Adeline, tu viens? C'est pas le con. Attends, écoute. Salope! Greg? Bon, bah, Greg, c'est maintenant que je vais te laisser, hein? Bon, tu viens me chercher ou pas? Ah non, tu vas rester avec tes copains et... Allez! Tu vas bien t'amuser avec eux. Avec la cravache. Non, mais amuse-toi, tu as l'air de bien t'amuser là, sérieux. Allez, et après, viens. Là, quand tu seras rentré, d'accord? De toute façon, on laisse pas partir tant qu'elle ramène pas les œufs et la farine. Oh hein. Putain, les relous, elle dit j'arrête la musique. T'inquiète, des œufs, t'en as sur chaque bonhomme, tu vas en trouver, t'inquiète pas. Et la farine, on se trouve aussi, t'inquiète. Eh bah bravo, tu nous as cassé notre soirée là, on a tout arrêté là, on est démotivé, on pensait que t'allais venir. Mais non, mais continue à la fessée, t'inquiète, t'as aimé ça Non, écoutez, moi je vais me casser. Hein. Non, en plus, il nous a dit que t'étais une petite blonde sympa là et que t'allais venir et tout. Il nous a promis mons et merveilles et puis rien. Moi je me voyais déjà. Mais il promet, voilà, c'est toujours ça. Putain. C'est toujours le mec, ça promet, et en fait, au final, ça que de la grande gueule. Hein. Tu m'as déçu là, Lynn. Il m'avait vraiment vendu ça quand t'étais une bonasse et tout. En plus, il m'a dit elle est un peu blonde, elle est un peu con, elle viendra quand même et au final. Ouais, il y a bah, tu sais pas, comme quoi, tu peux plus qu'un barbecue, ouais. Ah bah voilà, et nous, on pouvait mettre l'extincteur. Non mais t'inquiète pas, tu vas te servir de ta main droite, tu vas bien t'amuser. Regarde, j'avais l'extincteur. Ah bah justement, amuse pas bien avec ta main droite. Ah bah non, mais moi je voulais m'amuser avec toi. Moi il m'avait dit que je pourrais mettre ma saucisse sur le barbecue. Ah hein. Oh, putain, t'as vu, tu peux pas compter sur elle, hein, Greg. Hein. Ouais, eh ben non. Les amis. Et en plus, je parie, salope comme elle, elle va les balancer à ta meuf. Oh, non, non, non, c'est sûr. Surtout pas. On comptait sur toi, tu nous as planté, t'es une salope. Salope. Ouais, bah alors, je suis une salope parce que je me respecte. Salope. En tout cas, c'est pas moi qui suis en train de me faire fesser. Hein? Bah, c'est ça le délire, justement. Elle comprend rien. Ok, elle est bête. Ok, elle est bête. Dis donc, Greg, tu l'as trouvée où celle-là? En loc. Ah, putain, bah ramène-la, hein. C'était une occasion. Adeline ? Oui. Donc tu vas pas chercher ton pote alors ? Bah écoute, à mon avis, il s'est fait de nouveaux potes, mais j'irai le chercher avec sa femme, t'inquiète pas, on viendra le chercher ensemble. T'as vu comment elle est ? Ça c'est bien une meuf quoi. Ouais, t'as vu ? Ça c'est bien une meuf. Non, ça c'est bien une amie. Non, c'est pas une amie, c'est une relou. C'est une amie ça. Bon Adeline ? Ça, ouais. Oui. Bon, t'es sur Fun Radio, on t'appelait juste pour te faire un peu chier, mais... Mais t'as même pas voulu venir à notre soirée, là, on faisait une party. Mais t'as pas voulu venir dans la party ? J'ai voulu te quitter ma belle. Putain c'est bon, hey, on a eu chaud hein, sinon on aurait prévenu ta copine Greg si elle avait pas cru à l'histoire de la radio. Non mais je pense que là en plus tu lui aurais pas dit, je pense que derrière elle l'a fait quoi. Mais bien sûr qu'elle... Espèce de balance. Balance. Et ouais. Eh oui, merci pour ce... C'était très bien Greg ça, le MMMM. Je pense que nous retiendrons que ça ce soir. Ah, bon. même moi je me suis fait rire là. Voilà, c'était quand on avait fait les sadomaso la semaine dernière, vous avez voulu l'entendre, bah, pas de problème. Et si vous voulez qu'on en refasse une ce soir, là, un petit canular, vous avez une idée la plus originale possible pour piéger quelqu'un, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. Vous appelez Sandro au standard ou au 02 851 4x0. On remet le couvert tout à l'heure sur Fun Radio avant une 2h du mat si vous avez évidemment des idées un peu originales. Retour avec Samuel dans un instant là qui a des problèmes de chantage. Avec une ex-meuf qui veut mettre, enfin qui a mis une vidéo sur internet. Il y a Alex et Rudy qui apparemment ont déjà vécu ça. On va en parler dans un instant avec eux. Et puis on va se faire, comme promis, le son de... Philippe Legrand. Non, pas du tout. Ah pardon. De Both. Avec Both. C'est Both. Eh ouais. Both. Et il y a plein de messages qui sont arrivés aussi par rapport au canular, les sadomaso, là, Thibaut qui dit putain je suis mort de rire avec le canular. Il y a Emily aussi qui dit vous êtes des malades Sandro, elle gère vraiment trop. Et maintenant c'est Maurice. Il y a quoi aussi comme message? Let Me Freaks qui dit démonte-moi Toff, enfonce-moi les boules de Geisha. Oh oui. Il y a Célineau sur le Twitter qui dit le fouet avec le cri, j'en peux plus. Mort de rire. Et alors Cara qui dit énorme cet appel, j'en peux plus de rire seul devant mon ordi. Putain, vous êtes chaud. Ouais, on avait fait ça la semaine dernière et du coup, on vous l'a remis ce soir. Jonathan qui dit aussi mort de rire, c'est trop des barres. Et puis Jaune aussi sur le Twitter qui dit non, c'est Jonathan, pardon, qui dit un petit sus ma bite bien calé aurait été de bonne aloi. Et alors, El Pocho. Ah bah oui, El Pocho, c'est Camille là, qui nous a balancé sa tente tout à l'heure là avec son message qui dit c'était génial, merci à toute l'équipe, j'ai trop rigolé et je vous écouterai tout le temps maintenant. Signé El Pocho. Eh bah merci El Pocho, t'es la bienvenue, préviens tes potes, tout ça. Hein, il se passe quelque chose ici sur Fond Radio tous les soirs, toute la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du matin. Et tous les dimanches à partir de 20h sur Fun Radio. On se fait comme promis le son de Boss. Je l'ai découvert pour vous hier sur Fun Radio. On voulait passer pour la première fois. C'était aux alentours 23h. Je vous le remets maintenant. Boss avec Boss. C'est Mickaël No Limit sur Fun. Bienvenue. Ça fait plaisir les petits messages de la Dams Nerti qui dit boss à fond la forme. Arrête de sortir des vieux slogans comme ça Dams. Il y a Megumi qui dit je kiffe le son et le clip est juste énormissime. Il y a Réré92 qui vient de débarquer sur Twitter qui dit j'écoute depuis pas très longtemps et j'adore. Ben sois le bienvenu Réré. Il y a Eminem également qui dit faut peut-être que j'aille dormir, j'ai cours demain matin, moi mort de rire, je peux pas, j'écoute Mickaël No Limit. C'est trop drôle putain. Bah et désolé. Écoute, on va essayer de faire chier. Voilà. Oui, bonsoir. Bienvenue, nous allons faire la météo dans quelques instants. Rassurez-vous, l'information également avec Polo et Toff. Ah je pense que ça peut être drôle ça. Tu vas avoir des bons flashs. Hein. Ah, de bonnes infos, ouais. Et John54 qui dit que vous êtes en train de me tuer mort de rire. Et le prince est là qui dit Michel, la prochaine fois, la prochaine party que tu organises, je veux y être invité. Ouais, pas de problème, il n'y a aucun souci. La prochaine party, elle va être très bien la party. Bon, Colin, t'es toujours là, hein? Oui, toujours. Bon, Colline qu'on a dans le standard depuis dimanche, puisque bah, ses parents lui ont confisqué la radio, et donc du coup, le seul moyen pour qu'elle écoute la radio, c'est d'être dans le standard. Voilà, en toute simplicité. C'est ça, Colline? Oui, c'est ça. Voilà, donc tu restes encore avec nous. Dans quelques instants, on va donner la réponse également à la colle de ce soir. Je réponds toujours quand on m'appelle. Pourtant, je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il suffit simplement d'envoyer maintenant M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Tirage au sort. Allez, je vous laisse encore deux minutes. Alors, pour donner un indice sur la réponse, ça arrive souvent en montagne. Je dis ça, je dis rien. Je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant montagne. Je n'ai pas d'existence physique. La montagne, colline alors? Ah non, c'est pas colline, non. D'accord. Colline, c'est pas toi la réponse? Non, c'est pas moi, je crois. Ah, il me semblait bien. La première réponse, je crois. Bah, c'est... Ah bah écoute, alors on va la donner dans quelques instants, la bouge pas de là. Et en attendant, eh ben, on va encore faire quelques petits appels pour récupérer Samuel là, dans un instant justement. Des petits appels puisque, bien apparemment, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les femmes préfèrent faire l'amour, préfèrent faire le ménage plutôt que faire l'amour. Oui. Paraît-il, moi je trouve ça scandaleux. Mais c'est bizarre. On avait fait un appel tout à l'heure, mais bon, on n'a pas de chance, le monsieur n'avait pas de femme. Et oui, c'est dommage. C'est ballot. Donc on va en rappeler un autre, on va rappeler quelqu'un d'autre maintenant, là, c'est parti. Espérant que lui ait une femme. Ou qu'on tombe sur une femme, carrément, c'est encore mieux. Bon, allez, on y va. Allez, normalement le numéro décroche, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir pourquoi vous préférez faire le ménage plutôt que l'amour. Pardon? Bah, je vous demandais pourquoi vous préférez faire le ménage plutôt que de coucher avec votre mari. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça, madame? Oh, au lieu de répondre, on rappelle. Merci pour les numéros d'ailleurs, hein, parce que ça décroche quasiment 9 fois sur 10. Les numéros, vous nous envoyez 01 42 48 5000. Vous nous appelez évidemment pour balancer le numéro de téléphone à Sandro. Ou alors 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si vous connaissez les gens qui sont encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas à nous donner les numéros pour qu'on puisse les appeler. Allez hop, on en rappelle un autre. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais. Et en fait, je voulais savoir pourquoi elle préférait faire le ménage que de faire l'amour avec vous. Bah, va te faire enculer, connard. Non, c'est pas la question que j'ai posée, monsieur. Non, mais moi, je te la donne, la réponse. Je vais te dire, va te faire enculer, connard, parce que si je trouve ton portable, je te mets des flics au cul, d'accord? Oui, mais je vois pas l'intérêt, monsieur. Moi, je vous demande juste simplement pourquoi elle préfère faire le ménage que de vous faire l'amour. Mais t'en es où, toi, connard, là? Tu crois que j'ai que ça à foutre de répondre à ton téléphone? Bah, viens chez moi, je vais t'expliquer pourquoi. Bah oui, vous avez que ça à faire, monsieur. Mais t'es où, là, connard, là? Bah, moi, je suis chez moi. Et vous, vous êtes... Bah, viens chez moi, je vais t'expliquer. Là, je te donne un quart d'heure si t'as des couilles. Non, mais, monsieur... D'accord, va te faire enculer, connard, je te dis. Monsieur, c'est pas très gentil. Ah, putain. Non, gratuite. Non, mais à chaque fois, on se fait insulter, Colline, là, putain. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Non, attends. Bon, on le rappelle, Colline? Ouais, vas-y, une dernière, allez. Bon, allez, on le rappelle. Allez, c'est parti. Elle te fait reculer, collard. C'est toujours les mêmes astuces. Oui, toujours. Mais c'est toujours drôle. Oui, c'est vrai. Bah, il décroche plus maintenant. Il a peur ou quoi? Allez, vas-y. Il y a fait des flics. Bah oui, mais il décroche plus. Oui, monsieur, vous êtes quand même très vulgaire. Tu veux quoi, bonhomme, toi? Bah, moi, je veux juste savoir pourquoi votre femme préfère faire le ménage que de faire l'amour avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, tête de mort? Mais t'es où? T'habites où, toi? Moi, j'habite à Paris, monsieur. Eh ben, viens, descends chez moi, là, je vais t'expliquer pourquoi. Tu me rappelles encore, je te fous les flics au cul, d'accord? Bah, ça sert à rien, monsieur, moi, je veux... Mais monsieur, mais tu te prends pour qui, pauvre connard? T'as rien à foutre, t'as vu l'heure qu'il est? Je me lève à 5h du matin, moi, qu'est-ce que tu viens me faire chier, là? Bah, ça va, alors, vous êtes... Appelle pas en secret, donne ton numéro, tête de con. Bah, ça va, c'est... Vous pouvez rester réveillé jusqu'à tout à l'heure. Ouais, et puis quand je vais te foutre mon poing dans la gueule, ça va te faire quoi? Ah, ça va me faire mal. Pauvre connard, bah. T'as que ça à foutre, tête de mort? Bah oui, monsieur, moi, je... Enfin, en même temps, c'est vous qui êtes désagréable, hein, vous m'auriez répondu... Mais qu'est-ce que tu me fais chier, t'as pas de couilles, toi? Bah si, j'en ai deux. Viens chez moi, viens sonner, et puis je vais te répondre, et puis je vais t'expliquer pourquoi préfère ça. Ah, viens donc... chez moi si t'as des couilles, prends le métro, connard, et puis j'habite à côté de chez toi. Ah bon, vous habitez où? Ouais, je t'encule, toi, je te dis. Oh putain, ah, il s'est encore fait insulter, là. Et là, il a tout pris, là. Oh merde. J'ai beaucoup aimé le tête de mort. Ah oui, le tête de mort, enculé. Enfin bon, en fait, tout y est passé. Bon, prendre dans la gueule, tu vas voir, espèce de connard. Oh putain, tout y est passé. Toute sa vie, Tof, ce sera un petit con. Ouais, toute sa vie, ouais. Donnez vos avis encore hein, sur le, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, là, ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez qu'on vous le remette, le moment où il a pris cher, Tof, là. Et pareil pour le Carolo qu'on a eu la semaine dernière. Il y a Antoine qui dit j'ai un gros contrôle demain de 8h à 10h, mais je préfère vous écouter, vous gérer. Ouais, bah nous on gère, mais pas toi demain, Antoine. Mais bon. Après, voilà, au final. Il y a Cell23 aussi qui dit tête de mort. Lilou qui dit tête de mort, mon Dieu, je peux plus respirer de l'air, Mickaël. Ah, attends une seconde, ouvre la bouche, je vais t'aider là. Voilà, je t'en mets une petite couche là si tu veux, pas de problème. Bon, allez, retour maintenant, Colline, tu restes avec nous, hein. Oui, oui. Allez, retour avec la colle maintenant, c'est avec Anthony qui est avec nous. Anthony, toujours là? Oui, toujours là. Allez, c'est parti, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante là pour la colle. Si il ou elle a la bonne réponse et que ça décroche, eh bien, c'est gagné pour elle ou pour lui, sinon... Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô. Comment tu t'appelles? Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Zéna. Avec un Z. Avec oui. un Z, très bien, parfait. Zéna, tu as quel âge, dans quelle ville? 31 ans, Toulouse. 31 ans de Toulouse. Combien mesures-tu? Ah bah oui, tiens. La ville préférée de Tof, il a des amis là-bas. Oui. Beaucoup. Oui. Alors, combien mesures-tu, Zéna? Je sais pas, mètre, j'en sais rien, 60, taille normale. Hein. 63, 64, je sais pas. D'accord, combien pèses-tu? Je sais rien, je sais pas. 49 ou 50. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Je sais rien, je sais pas, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Bah à peu près. Ouais, un coup je mets 85B, un coup je mets 90, ça c'est. Bon d'accord. Bon, on va garder 90C. Ouais, on va garder la plus grande valeur des deux. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34, toujours. Merde, pardon monsieur Gouré. Pourquoi t'as mis quoi? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Eh, on se calme, Loulou. Oh oh, ah, tu nous as fait notre soirée là, c'est bon, hein, tranquille maintenant. C'est bon. Bon alors, du coup j'ai oublié ton prénom. Ah oui, Zéna. Bon alors Zéna, il y a Anthony qui a une colle à te poser là. Anthony. Oui, bonjour Zéna. Allez, vas-y. Alors, je réponds toujours quand on m'appelle, pourtant je n'ai pas d'existence physique. Qui suis-je? L'écho. Ah, bien joué. Eh ben voilà. Eh oui. De gagner. Eh oui, merci. C'est ça, oui. Bah bravo en tout cas Zéna, la PS3 et le jeu GTA 5 pour toi. Alors pour toi, pour ton mec, pour qui? Pour les deux. D'accord, ok, bah vous allez pouvoir jouer à GTA 5 comme ça en couple. Super jeu de couple. Ça le fait. Non, mais ça le fait, ouais. Bah voilà, et bah écoute, Zéna, bah très bien. Et du coup Anthony s'est fait chier pendant 1h30 à l'antenne pour rien. Bah parce que je peux passer une petite dédicace. Allez, t'auras gagné ça, vas-y. Ok, une petite dédicace pour ma femme Sabrina, mes enfants Nolan et Océane, Aprissou, Emeric, mon petit cœur Chris, Marion, Gabi, Poupette, ma famille et tous ceux qui m'en connaîtront. Très bien, bon c'est bien parce que t'as perdu, parce que sinon c'est limité à une personne, hein, mais c'est bon. Bon Anthony, bah passe une bonne soirée, on va quand même te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, ok? Ok, bonne soirée à toute l'équipe. Salut Anthony, à bientôt et quand tu veux sur Fun, à bientôt. Et okay. Puis Zéna, eh ben écoute, bah, tu reviens également quand tu veux avec ton 90, c'est sans problème. Allez, gros bisous, merci à tous. Je t'en prie, ciao à toi Zéna. Oula, je suis coupé la chic. Salut Zéna, ciao. Bon, retour avec Samuel maintenant. Samuel de Meurthe et Moselle, ouais, qui a des problèmes de chantage. Alors, Samuel. Toujours là. Ça va? Ouais, toujours. En pleine forme? Toujours. Attends, parce que je vois que Sandro l'a raccroché avec Anthony. N'oublie pas de prendre ses coordonnées pour le pack fun, Sandro. Hein. Vous l'avez déjà. Waouh, quel talent. Elle a travaillé en avance. Mais oui, elle a travaillé en amont, exactement. Là, moi, le pack fun, là. De quoi tu dis, Samuel? J'en veux un de pack fun, moi. Ouais, bah tu vas d'abord essayer de te démerder à virer la vidéo là du chantage et après on verra. Bon, attends, il y a Alex aussi qui est arrivé, qui a 22 ans de 3. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Bon bah ça va et vous? Bon ça va bien. Hein. Eh, t'as pas l'accent de 3? Si, un peu quoi. Non, c'est vrai? Il a l'accent de 3. Je suis de 3 depuis que je suis gamin. Ah ouais? Bon peut-être un petit peu, alors on va savoir. Mais si vous êtes 3? Ça fait beaucoup, non? Ça, c'est drôle, ça, tu vois, ça, c'est... Ouais, lance-flamme, direct. Ah ouais, j'allais mettre un coup de pelle, moi. Non, lance-flamme, d'accord. Direct, ça m'arrête. Voilà, lance-flamme dans la gueule, attends, et je le mets quand même. Voilà, un coup de pelle. Et ça sonne creux comme chez toi, c'est bizarre. Bah, oui. Bon, alors, Alex, toi, tu voulais réagir à Samuel, qui a un petit problème de chantage avec une de ses ex, qui a mis une vidéo bah où ils étaient en ébat, on va dire ça comme ça, plus ou moins, sur Internet. Alors, t'as vécu quoi, Alex? Oh, putain, je vais y arriver, moi. Eh ben, je m'étais mis donc sur le site Badou justement et j'ai fait connaissance avec une fille qui pareil m'a redemandé mon Facebook, Skype et tout ça. Et donc ça faisait déjà plusieurs mois que j'y parlais, et il s'est passé que sur Skype, elle a voulu qu'on fasse justement un plan cam, quoi. Et donc, t'es pas sur Skype, toi. Non, lui il est pas sur Skype, pas comme c'est sympa. Samuel il est sur Skype, mais pas lui. D'accord. Je suis pas au rayon les films. Donc, voilà, on a fait, au début je voulais pas, puis après bon, je me suis laissé tenter, j'ai dit première expérience et tout pareil. Ouais, comme moi. Et bah le truc c'est qu'au bout de on va dire une minute, donc j'avais déjà fait 2-3 trucs à la cam, elle aussi. Et au bout de justement donc d'une minute, je suis tombé, donc j'ai eu ma vidéo qui s'est mise face à mon écran et qui m'a dit si tu fermes la fenêtre, nanani. Après j'ai eu des on peut s'arranger et tout ça. Donc moi la réaction que j'ai eue, c'est qu'elle m'a dit qu'elle allait envoyer la vidéo donc à tous mes amis Facebook. Ouais. Donc la réaction que j'ai eue, c'est de supprimer tous mes amis. La connerie que j'ai faite, c'est de pas supprimer elle en premier parce que en fait elle est passée par le biais de mes photos. Ah putain la salope. Et le truc c'est que le lien YouTube qu'elle m'avait envoyé pour que je voie ma vidéo, c'est une page YouTube personnelle. Ce qui fait que YouTube la supprimera pas si on voit sa tub ou quoi. En fait YouTube ne le supprimera pas directement, faut faire la demande. Ouais, faut faire la demande, exactement, ouais. Et en fait les gens qui n'ont pas le lien, de la vidéo, ils peuvent pas la visionner. Donc par contre moi elle avait mis le lien en commentaire sur toutes les photos que j'avais où j'étais identifié de mes amis, enfin que mes amis avaient mis quoi. C'est et bon, ça. Et ça fait que tous mes amis qui avaient postulé tout ça, bah ça leur a mis une notification et ils ont pu la voir quoi. Oh putain, du coup tu t'es tapé la fiche, tu t'es affiché quoi. Et ben du coup non, parce que j'ai réagi quand même tout de suite. Bon bah le premier réflexe que j'ai eu c'est d'appeler la gendarmerie, qui m'a dit plus ou moins pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Donc moi la gendarmerie m'a dit venez porter plainte, comme il y avait mon nom, mon prénom. Oui, venez également avec la vidéo qu'on puisse se regarder, qu'on puisse se barrer entre collègues, non? Ah ouais, non mais ça ils l'ont pas vu. Non mais j'ai porté plainte pour me protéger moi, au cas où si on sait pas, un employeur ou enfin je sais pas. Donc j'ai porté plainte, contre X bien sûr, parce qu'on sait jamais qui c'est qui a. Et ensuite moi après j'ai regardé donc en fonction des photos des amis qui étaient susceptibles d'avoir mis des photos de moi sur Facebook ou qui m'avaient identifié, je les ai contactés, j'ai vu par le biais d'un autre profil Facebook que j'avais, et puis je leur ai demandé de supprimer les commentaires et tout ça, quoi. Je l'ai signalé la vidéo sur Facebook, ouais. Et j'ai signalé la vidéo à YouTube, et YouTube l'a supprimée dans les deux jours qui suivaient. D'accord, putain, t'as eu de la chance au final, entre guillemets. Il y a Jean-Philippe sur Twitter qui dit « Samuel, t'es fait arnaquer, en fait, on voit pas de l'argent surtout. » Il y a Célineau qui dit « Samuel, porte plainte au commissariat. » Il y a Cara également « Ah, ça c'est autre chose, demain je bosse de 7h à 20h, je me lève à 5h, mais je reste bloqué sur Mickaël jusqu'à 2h, ça va être dur. » Oh putain, ça va être dur, Cara, bon courage, hein, je penserai à toi quand je me réveillerai à midi. Il y a Antoine aussi qui dit « Faites une prière pour l'équipe. Moins de 15 de l'entente chartraine, please. » Bah voilà, on va mettre un cierge. Il y a quoi aussi, Lilou qui dit « Qu'est-ce qu'elle est bonne, effectivement ?» Et puis Gwenaël qui dit pour la vidéo « Il s'agit de mecs qui se sont fait passer pour des femmes. Ils veulent obtenir une vidéo compromettante de leur victime pour ensuite les menacer de publier la vidéo, à moins que la victime leur envoie de l'argent. Si la fille est floue ou ne ressemble pas à la vidéo, c'est normal. C'est une fausse vidéo. On trouve des logiciels pour mettre des vidéos sur Skype ou Skype. Exemple, fake webcam. » Merci Gwenaël sur le Facebook là d'avoir balancé le message. Bon, bah effectivement, méfiez-vous. Hein. Il y a aussi Rudy avec nous là. Salut Rudy. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va, ouais. Bon, eh ben reste avec nous Rudy, toi aussi tu t'es fait avoir comme Samuel? Ouais, tout à fait, ouais. Bon, bah alors bouge pas de là, on va revenir dans un instant avec toi. On aura Alit également. Salut Alit. Alit ou Ali? Je sais pas comment on dit. Oui, ah, oui, c'est Alit. C'est Ali ou Alit? Alit. Bon, bah bienvenue de Perpignan, comment ça va là-bas? Ça va, impeccable. Super. Bon, alors tu nous appelles pourquoi? On parle de quoi dans un instant avec toi? Eh ben, on va parler de... Je suis routier, moi, déjà. D'accord, ça arrive même au meilleur. Un litre de bière. C'est drôle, ça aussi, encore une fois. Bon, et donc, donc on va parler de quoi? Eh ben, je roulais là, comment ça s'appelle, sur l'autoroute. Comment ça s'appelle? Il m'est arrivé une histoire. Un mec qui est venu à ma hauteur avec sa voiture, et je comprenais pas, je commence à le regarder, tout ça. Et là, je le vois, avec le plafonnier allumé, le mec, il était à poil en train de se taper une tête. Alors, bouge pas, Ali, tu vas nous raconter ça dans un instant. Ah, vous aussi, les routiers, hein, si vous êtes souvent sur la route, vous êtes déjà, comme Ali, vous avez déjà grillé des mecs dans leur voiture en train de faire des trucs un peu chelous, ou même des filles dans leur voiture en train de faire des trucs chelous, venez nous en parler maintenant sur Fun Radio. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000, le 02 851 4x0 depuis la Belgique fonctionne également. Et Dame Snortic aussi qui dit ne jamais faire de plan cam, ceci peut être surveillé. payer. Ouais, effectivement, méfiez-vous. On est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, en pleine forme jusqu'à 2h du mat, avec une reprise de Prodigy qui m'avait été demandée. Fédé Le Grand qu'on écoute, c'est No Good. Ferme ta gueule, gros bâtard. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. On est de retour sur Fun Radio, toujours sans pub sur Fun Radio. Et cherchez pas ailleurs, il n'y a qu'ici, on est tranquille à la cool. Sans pub pour casser le bordel avec Alid dans un instant, là, qui voulait nous parler du mec qu'il a vu dans sa caisse parce qu'il est routier en train de se... palucher pendant qu'il roulait, donc quand même vachement pratique. Et puis on va encore refaire quelques appels maintenant là, puisqu'apparemment les meufs préfèrent le ménage à faire l'amour, ce qui me paraît quand même assez improbable, mais au final pourquoi pas. Non, donc, mais non, moi je peux pas admettre ça. Ah bah oui, mais tu peux pas l'admettre, mais c'est comme ça. Bon, on appelle maintenant encore pour vérifier grâce au numéro que vous nous avez envoyé via le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. C'est parti. Si vous connaissez les gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont de boutard en général, qui sont plutôt assez sympathiques, n'hésitez pas, hein, le mail sandro@funradio.fr. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame. C'est qui ? C'est Toff, madame. Vous avez trompé le numéro 1. Ah non, pas du tout, en fait, je vous appelais pour savoir pourquoi vous préfériez faire le ménage plutôt que de coucher avec votre mari. Vous m'allez vous faire foutre là-haut, c'est qui là ? Moi c'est Toff, mais je viens de vous le dire. Ouais, mais va te faire foutre, c'est cool. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Va te faire enculer. Allez, encore. Bon, on appelle un autre. Tout ça est gratuit, bien mais sûr. Mais gratuit. Allez, on en appelle encore un autre. Là, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Ça fait plaisir. Ouais. Tiens, c'est à démarrer gentiment. Hein. Voilà. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir pourquoi votre femme préférait faire le ménage plutôt que de vous faire l'amour. Pardon ? Bah, donc, je vous demande pourquoi votre femme préfère faire le ménage plutôt que de vous faire l'amour. On se connaît ? Non, pas du tout. Pourquoi me demandez ça ? Bah, pour savoir. Mais je t'appelle un inconnu comme ça, ça tu me demandes ça, t'as un problème, toi ? Non, j'ai pas de problème, je vous pose juste la question, monsieur. Non, mais c'est pas des questions qu'on pose. Bah, si, sinon je vous appellerai pas. Bah, si, bah, justement, vous m'appelez pas. Bah, si. On est d'accord. Puisque là, je viens de faire votre numéro. On est d'accord. Bah, non, pardon ? Non, on n'est pas d'accord, là, je viens de vous appeler, donc vous répondez à ma question. Ah, non, mais ça va pas ou quoi ? Mais oh, t'as aucun ordre à me donner, hein ? C'est qui ? Tu te présentes, tu t'appelles, tu te présentes. Bah moi je m'appelle Toff. Et vous, vous appelez Toff. C'est qui Toff ? Bah, Toff. Toff c'est moi. Ouais, petit Toff. Vas-y, vas-y, tu sais quoi ? Ça m'étonne même pas. T'es un gamin, toi. Tu veux quoi, toi ? Mais t'as des soucis, toi ? Non, je vous pose une question simple. Pourquoi votre femme préfère ? Vas-y, arrête de, vas-y. T'es qui ? Bah moi c'est Toff. Mais je vous l'ai déjà dit. Tu te fous pas de ma gueule, t'es qui ? Vraiment, t'es qui ? Bah je suis vraiment Toff. vas-y, bonne soirée. Salut. Bah, attendez, parce que vous avez pas répondu à ma question là. Ah merde, mais il s'en fout, attends, on va le rappeler encore un coup, il avait l'air gentil, mais il laisse pas en placer une, hein. Mais il parle trop vite. Ah, il parle beaucoup. Attends, on va le rappeler. Puis on va récupérer Colin, Alit, Rudy, Alex et Samuel. Allô. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite et du coup vous avez pas eu le temps de répondre à la question. Non mais je t'ai répondu, je t'ai dit salut, je me rends pas ouf. Mais salut, c'est pas la réponse. Salut, ouais, bah, moi c'est la réponse que je te donne. Bah oui, mais c'est pas la bonne réponse ça, monsieur. Mais c'est la seule que je te donne, donc tu t'en contente et tu me casses pas les couilles. Bah non, moi je peux pas me contenter de ça, puisque moi je vous ai posé une question qui nécessitait une réponse un peu plus approfondie. Si moi je te pose la question de pourquoi tu m'appelles et c'est qui ? Bah tu moi, me réponds ? Ouais, moi je m'appelle Toff et je vous demande. Ok, maintenant si je te pose la question, tu me donnes ton numéro, tu me réponds ou pas aussi ? Ouais, alors donc mon numéro c'est 01 ouais. 42 48 ouais. 50 00. Ouais, je peux avoir ma réponse maintenant ? Répète-le à l'envers. 00 50 48 42 01. Attends, je t'appelle sur ce numéro, comme ça ce sera plus simple pour te donner la réponse. D'accord, mais enfin là maintenant on est au téléphone donc c'est pas la peine de rappeler. Ouais, non, mais non, t'inquiète pas, je te rappelle sur ce numéro. Bah ça sert à rien. Parce que moi je suis là maintenant. Bah moi je suis pas là donc je te rappelle sur ce numéro, t'inquiète pas. Si, vous êtes là puisque je vous parle. Qu'est-ce qu'il est relouche comment lui là. C'est quoi cette discussion de dingue là. De merde, répète ton numéro à l'envers, essaye de mettre un peu, pourquoi, bah, pourquoi. Ouais, c'est mais ça. T'es là, ouais mais moi je suis pas là. Moi j'ai qu'un seul mot à dire de toute façon. Mais putain, va te faire enculer là, fils de putain. Voilà, C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va récupérer Samuel. Toujours là, Samuel? Ouais. Parfait. Toujours là. Bah, Samuel avec Alex, avec Rudy également. Samuel qui donc s'est fait niquer parce qu'il a été sur Skip, comme ouais, il dit. Avec une meuf. Avec une meuf. Voilà, rien à voir avec la machine à laver. Hein. Et donc avec une meuf, il a fait une petite vidéo et donc du coup, bah, t'as menacé et il a mis la vidéo sur Internet. Donc il y a Alex qui a vécu à peu près pareil. Il y a des messages aussi qui sont arrivés. Où est-ce qu'il est? Je ne sais plus. Ah oui, Cara qui dit j'ai déjà grillé un gars en train de faire visiblement une merveilleuse fellation à un pote dans le box d'une écurie. Oh. Ah pardon, c'était autre chose, ça, je lirai après dans un instant, bougez pas. Il y a qui aussi où est-ce qu'il est? Il y a tellement de messages que je suis perdu. Bon, c'est pas grave. On va prendre avec, on va prendre Rudy en attendant, 24 ans de Louvre. Salut Rudy. Salut, bonsoir tout le monde. Comment on va? Salut. Ouais, bonsoir. Bon, très bien, sois le bienvenu. Alors, Nanou qui dit, Mickaël, les gars, quand vous avez la dalle, n'allez pas sur Skype. Non, non, t'inquiète pas, à ce niveau-là. On va dans le frigo, nous, quand on a ouais, ouais, c'est ça. Bon, Rudy, t'as vécu toi, quoi, toi, comme Samuel et Alex? Ben, moi, j'ai vécu exactement la même chose que Samuel. Il y a 10 jours. Ouais. Et ben, après, ben, en fait, la personne te harcèle, elle te lâche pas. Et elle attend qu'une chose, en fait, c'est que tu lui verses de l'argent, en fait. Oui, c'est ça, en fait, tu te fais niquer, c'est-à-dire qu'elle te drague, elle fait une vidéo, et puis après, elle te fait chanter. Voilà, voilà. Et donc, bon, en fait, moi, j'ai attendu plusieurs jours, pas de réponse. Ce qui fait que la personne a continué, en fait, de m'envoyer des messages sur Facebook. Ouais. Et bah, après, j'ai tout imprimé, et puis je suis allé porter plainte à la gendarmerie. Et dans son message, la personne, elle m'a laissé, en fait, une adresse sur laquelle envoyer l'argent, quoi. Ouais. Et donc bah en fait bah du coup bah les gendarmes ils ont tout pris quoi. Ah ils ont été la coffrée? Non, ils ont pas été la coffrée mais ils ont commencé à ouvrir une enquête. Ouais, une enquête. Ah d'accord, ok. Et donc tu vois finalement Samuel c'est ce que tu devrais faire hein. Ouais, c'est peut-être que je pensais aussi aller au Condé, ouais. Ouais, ouais, finalement, c'est franchement, faut vraiment y aller, faut vraiment y aller, faut pas hésiter, ouais. Et traîne pas avant que ça devienne. Parce que le problème d'Internet, c'est que c'est le pire virus du monde, hein. C'est-à-dire que si c'est une fois, il faut suffit que quelqu'un le repose et c'est mort, c'est fini après. Bah, regarde. La première fois en plus. Regarde la pauvre tatoune de. Ouais, de Camille, là. Du début de l'émission. Exactement, la pauvre, demain. Bah écoute, à tout, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous appeler, on va essayer de trouver une solution, t'inquiète pas. Bah. Bon, ça disparaisse d'internet. Ouais, c'est ça. Bon, bah merci Rudy, Alex et Samuel en tout cas d'être passé. Puis Samuel, bah va chez les flics alors, hein, n'hésite pas. Hein. Ouais, carrément, je vais y aller. Bon, bah t'as raison, ça marche. Je bon, bah. Les preuves. Oui, oui, bah non, mais c'est clair. En plus, t'imagines, après, tu veux aller postuler pour un boulot, le mec il tombe dessus, enfin tu vois, ça peut niquer quand même. Non, mais j'ai demandé à des potes et en fait, il la voit pas sur YouTube. Ouais, mais on sait jamais. Ouais mais on sait jamais. Bon ben merci Alex, merci Rudy, merci Samuel. Ouais, on va dire quand vous voulez. Ouais, y a pas de souci. À bientôt, salut à vous. Les gars, pas tout. Ciao, bonne soirée. Ciao, bye bye, merci à vous d'être passé. Alit qui est de retour, qui est routier, il a vu un mec à poil dans sa voiture en train de se branler, c'est ça Alit? Oui, c'est ça. Bon, t'en vois souvent des trucs comme ça toi? Ben non, en fait la première fois que je voyais ça, le mec, il est venu à ma hauteur et il a allumé le plafonnier. Ouais. Et après, je l'ai vu, il était à poil en train de se taper une seg et il s'est mis devant moi, je l'ai doublé, il ralentissait, après il refaisait pareil. Bon, il a vu que j'ai pas répondu, il a fait la même chose au routier qui était devant. Quoi. Mais quoi, il avait envie que tu t'arrêtes et que tu le démontes ou quoi? Voilà, je crois. Wow. Mais après, bon, il a commencé à me saouler, je lui ai montré la barre de kick. Ah, c'est bon ça. Après, il t'a lâché. Oui, là, je pense qu'après, il a compris le message, oui, a priori. Ouais, mais ça lui plaisait apparemment, hein. Il voulait que je lui mette la barre de kick, quoi. Ah oui, oui, mais t'es déjà tombé sur des plans comme ça, c'est genre sur les aires d'autoroute, d'autres routiers qui se font plaisir ou des trucs comme ça, non? Oui, sur des couples surtout, des couples, bon, le mec il vient avec sa femme, il a envie de faire des choses à trois, quoi. Oh là là. Ah ouais, et toi t'as jamais eu le... Bah, toi, t'as acheté un camion? Ben, c'est tellement facile d'acheter un camion. Mais oui, c'est ça. Beau, Tof. Et puis bah oui. Ah bah voilà. On a le paquebot, nous. Alors, comme ça, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Ah, bien sûr. Ah ouais, là c'est sûr qu'avec un paquebot c'est mieux. Ouais. Ah ouais, je te confirme, avec le paquebot on n'a pas de problème. Bon, le problème de toi c'est que c'est ça lui. Oui, voilà, évidemment, c'est la camionnette quoi, c'est la vieille camionnette. Bon, non, mais c'est impressionnant, moi je me demande comment ils font les mecs. Ils n'ont pas peur au péage ou quoi, de se faire tirer par les flics. À poil, le mec, quoi. Il avait rien sur lui. Il conduisait à poil, quoi. Mais ça, c'est hallucinant. Le mec a walpé comme ça. En plus, c'est interdit, bah, forcément. Bah oui, c'est interdit. Bah oui, c'est interdit. Non, mais le mec, il roulait comme ça, quoi. À poil. Ouais, c'est vrai que ton fils l'avait déjà fait. Mais lui avait été fait pire. Il avait commandé un McDo à poil. Oui, c'est. Voilà. Ouais, bah voilà, exactement. Je n'ai pas de mots tellement c'était stupide. Exactement. Attends, il y a Guéna aussi qui est avec nous là. Salut Guéna. Salut. On dit Guéna, Guéna. Ouais, Guéna, ça ira très bien pour les centimes, c'est bon. Guéna, très bien. Bon, t'appelles de Lorient toi, t'as 33 ans. Toi aussi t'es routier? Oui, exactement, ouais. Parfait. Ouais, les autres routiers, appelez-nous, hein, 01 42 40 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas, on vous appelle directement. Alors, Guéna, toi, t'as vu quoi toi? Eh ben, je viens d'entendre une histoire là du coup, et puis ben, ça m'a rappelé que moi aussi ça m'est arrivé. Un gars qui s'est mis à la même hauteur, pareil, il m'avait fait des appels de phare, le plafonnier et puis le toit grand ouvert, et il avait le pantalon sur le genou avec la queue à l'air. Mais c'est un truc de ouf, c'est bon, ça. Ouais. Mais il voulait quoi, tu crois? Il voulait que tu le démontes? Ouais, c'est ça, hein. Enfin, il sortait de, je sais pas si l'air de pardon. Attends, on t'entend mal, Guéna. Remets un petit peu, mets-toi un peu où il y a du réseau là. Ouais. On la bouge encore un peu. Allô. Ah, ça a l'air d'aller mieux là. Tu disais? Oui, donc je disais que c'est à l'air de Marzan, à côté de Vannes. L'air est réputé pour ça et le gars il sortait de là et puis bah à mon avis il a pas dû trouver ce qu'il fallait là-bas. Et voilà. C'est réputé pour. Ah ouais, c'est réputé pour avoir des mecs à walpé. Je note, donc oui. De Vannes. C'est ça, bah, il va aller ce week-end, hein. Sur quelle autoroute? Voilà. C'est l'air de Marzan, c'est la RN24. RN24, air de Marzan, très bien, fais chauffer la mobilette. Exactement, t'inquiète pas, la mobilette est déjà chaude, là, on y va. Et sinon... il est parti vite, là. Ah ouais, grave, attends. Ouais, il est déjà parti, il est déjà arrivé sur l'air là. Vous pouvez le rejoindre si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Et il y a Camgan aussi, Camgan sur Twitter qui dit: j'ai surpris une meuf qui suçait son mec au feu rouge. Oui, mais bon, c'est ça. Pas pareil. Ouais. Encore là, ils font un truc à deux, mais quand le mec est tout seul en train de s'astiquer. Mais ça, j'avais déjà eu sur le périph, hein, t'es plein d'embouteillage et tout, puis tu vois la tête de la meuf qui passe juste à la hauteur de la tête à côté de toi. Tu fais: ah ouais, d'accord. Ah ouais, je peux participer ou comment ça se passe? Non mais oui, mais il y a aussi Clem aussi qui dit: j'espère que tes fesses vont bien vu le nombre de je t'encule que tu te prends par jour, Toff. Ah oui. Oui, je souffre un peu. Oui, un petit mais peu. Mais ça va, j'ai une c'est crème pour ça qu'il marche, ça m'aide. Il marche comme un cowboy. Et à force de se faire enculer, Toff, il va avoir un trou de cul d'éléphant. C'est Lilou qui avait envoyé le message. Enculé par rapport évidemment à tous les canulars qu'on fait, bien entendu. Et c'est Lilou qui comment dit, tu peux dire ça? Perso, si je devais choisir entre faire l'amour ou le ménage, je choisirais sans hésiter faire l'amour. Mais encore heureux, c'est Lilou. Et Jessica qui dit: bien ton émission, bisous le bel animateur. Merci Jessica. En tout cas, c'est bien. Les auditrices de Fun Radio au bon goût. Ouais. C'est vrai. Oui. Bah oui, c'est vrai, il faut dire les choses. Bah, elle sait quel beau gosse. Eh bah, écoute, non, il n'a qu'un seul. Bon, Guéna. Oui. Guéna, merci à toi d'être passé, sauf si tu as encore un truc à ajouter. Bah, c'est. Voilà, il y a eu cette histoire-là, il y en a eu deux autres encore. Ah, bah vas-y, oulala, vas-y, explique-nous alors, oulala, vas-y, vas-y. Pareil, un couple qui dépassait et bah, la nana était en train de pomper son copain alors qu'il conduisait. Assez impressionnant. D'accord. Ouais, mais ça va encore. Ouais, ça va, ouais. Ouais, parce que ça, je l'ai déjà fait souvent, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. T'es au volant de ton camion et puis tu tournes la tête et tu vois ça. Donc, Et c'est là que tu râles d'être coincé à 80, quoi. Exactement. C'est clair. Et sinon, une autre fois, je me suis arrêté pour pisser un coup et un couple de Parisiens qui s'est mis derrière moi et ils sont venus me voir en me demandant de se faire déglinguer dans le camion. Quoi? Parce que madame avait un fantasme, elle voulait se faire démonter avec un routier. Mais donc toi tu participes pas, tu prêtais le camion toi? Alors, c'est lui qui démonte. Elle voulait se faire démonter avec un routier. C'est bizarre, mais les gens bizarres quand même. Mais toi tu vas acheter un camion, ça c'est obligé. Direct. Bah oui, attends, directement le 40 tonnes là. Ouais. Il y en a un de vous deux qui peut me donner des cours? Oh, c'est pas compliqué, tu fais marche arrière, ça fait bip bip bip bip bip bip bip bip bip et voilà. Hein. Et après ça fait... Oh, on va te faire passer le permis. Bah voilà, c'est ça, regarde. Attends, toi, il y va là. Allez, fais attention, et attention, espèce de connard, là. Non mais ça c'est vrai, pour le coup je vous plains, hein, parce que le nombre de trous du cul qui se rendent pas compte que c'est compliqué de faire bouger ce truc là, et donc le mec il fait marche arrière avec son camion, et puis t'as les mecs qui passent derrière, c'est avec leur scooter, tout ça, ils passent derrière, ils s'en battent les couilles. Et donc forcément, après c'est une galère. Y a une crêpe. De quoi? Après il y a une crêpe. Il y a une crêpe. Ah oui, il y a une crêpe. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, mais merci les gars en tout cas d'être passés, Gada et Alit. Je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, Alit. Allez, je fais une dédicace à tous les amis routiers là de l'entreprise. Il y a Georges Carba, il y a José La Perruche. Ça marche. Bon le message est passé. Voilà, salut, et je pourrais avoir un pack-pen. Sans problème, Alit. Tu vas gérer ça avec son standard. Voilà, il y a des endroits où la radio elle passe pas. Et ben voilà, on va te filer ça. Pas de problème, Alit. Salut, salut, Guilla. Bonne soirée. Je te fais une petite dédicace aussi. Allez, vas-y, Alit. Moi, ce serait pour passer une dédicace à tous les transports joyeux et tous les routiers de nuit, en fait. Très bien. Eh ben, message passé également, Guéna. Salut à toi. Voilà. Merci. Et salut. À bientôt. Et on va encore en parler dans un instant avec Mickaël et Samy. Là, vous êtes là tous les deux, là ? Ouais, oui, on est là. Comment ça va ? Bien, ouais, toi. Bon, oui, ça va tranquille, ouais. Bon, apparemment, on a trouvé un sujet de canular. On va faire ça dans un instant avec Dylan. Donc, puisqu'on en avait passé celui où on était en sadomaso tout à l'heure, j'ai dit qu'avant 2h, on appellerait quelqu'un d'autre et qu'il fallait proposer des sujets. Donc voilà, on fait ça dans un instant. 01 42 48 5000, le 02 851 4x0 également. Mickaël et Samy, vous restez là. On va prendre également, Colline. Toujours là, Colline ? Toujours là. Parfait. On va s'écouter DVVBS, tu connais ? Non. Avec Tsunami, ça te dit rien ? Je sais pas. Écoute, je te le mets, tu vas voir, c'est une tuerie. Je te le mets maintenant, on l'avait passé hier sur Fun dans l'émission. Bah voilà, en même temps, Colline, tu t'es endormie comme une merde, comme t'as dit, bravo à toi. Ah, félicitations, okay. Colline. Bon, reste avec nous, on écoute DVBBS maintenant, c'est Mickaël Nolimitch jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Voilà le son de DVBBS à l'instant sur Fun Radio, c'était Tsunami. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les colas. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment jusqu'à 2h du mat avec un message de Kamgan GS sur le Twitter qui dit j'ai surpris une meuf qui suçait son mec au feu rouge. Ah, sympa ça. Il y a Guillaume aussi qui dit je vous écoute depuis 2 semaines, j'écoute Fun Radio depuis le Québec et je suis tombé sur votre émission, il s'agère, vous êtes au top tout le temps. Ah bah ça fait plaisir, Guillaume. Il y a Max Debo aussi qui dit Mickaël, à cause de vous, je vais dormir dans le bus demain, mais bon, c'est pour la bonne cause. Ah oui, effectivement Max, c'est vrai, effectivement, c'est pour la bonne cause. Et Let's Be Freaks qui dit démonte-moi Toff, enfonce-moi les boules de Geisha, oh oui. Mais écoute, j'arrive. Très bien. Et Lauriane aussi qui dit encore une nouvelle insulte, tête de mort, pourquoi pas. Oui, ça c'était tout à l'heure, effectivement. Bon, et puis on a mis une vidéo aussi d'un couple qui fait l'amour là sur le Facebook de l'émission. Allez voir. Twitter également, vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook et sur le Twitter pour venir nous rejoindre. Et sur le Twitter, si vous me faites un follow, eh bien moi aussi je vous fais un follow. Pareil sur Instagram également d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, on fera un point sur le top Twitter. On peut en faire un maintenant ou c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, très bien, on va faire un petit refresh, on fera ça dans un instant. Alors. Depuis longtemps, donc ça ressemble à rien. Ah d'accord, ok. Bon, on va faire un refresh dans un instant. Je rappelle le concept du top tweetos. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Du coup, on a un site internet qui calcule le nombre de hashtags qui ont été faits par qui, etc., etc. Et donc du coup, on peut voir à la fin de l'émission lequel d'entre vous a été le plus influent sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes dans les 5 premiers, vous serez peut-être élu le top tweetos si vous êtes numéro 1. Donc on verra ça tout à l'heure. Toujours pas de. Dans 10%. Ça veut rien dire, ça va en seconde. Non, oui. Parce que ça n'est pas en seconde. Ah, et même très bien. Si je te donnais en seconde, c'est des secondes Windows, donc ça ne veut rien dire. Ah oui, effectivement. Seconde Windows. Ah mais c'est vrai, pour le coup. Tu sais, quand tu transfères un truc avec Windows, il y en a pour 50 minutes, puis tout d'un coup, c'est il en reste ouf. 2. Et puis parfois, il en reste 5 heures. Je sais pas ce qui se passe. Je mesure 10%. Et voilà. J'ai rendez-vous à 30% demain. C'est ça. Voilà. Bon, alors, ça y est. Alors, je peux vous annoncer que le premier est un garçon. Non. Oui. Qu'il a 20 tweets d'avance. Sur Let's Be Freaks. Oui. Ah, Let's Be Freaks, c'est numéro 2 alors. Ouais, et elle n'a que 10 tweets d'avance sur le troisième. Ouh, elle va quand même pas faire sortir. Non, sortir, non, il n'y a aucune chance. Ah bon, d'accord, ok. Bon, du coup, à vous de jouer. Hein. Sachez que tout peut se jouer apparemment, puisqu'il n'y a qu'une petite fourchette de 30 tweets entre le troisième et le premier. Ouais, même c'est pas. 30 tweets entre le troisième et le premier. Voilà, donc à vous de jouer. Vous mettez hashtag et Mickaël, vous balancez vos messages sur le Twitter tout simplement. Et puis, vous discutez entre vous, avec nous, peu importe, il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Tout est possible. Voilà, on va récupérer Mickaël et Samy dans un instant. Colline est toujours là, évidemment. On aura Freddy tout à l'heure. Et puis, vous toutes et vous tous, évidemment, en direct, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h du mat, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de Fun Radio. Et là justement on a Dylan qui est avec nous là. Tu nous appelles pourquoi, Dylan? Bonsoir, là je vous appelle, c'est pour appeler un pote à moi en fait. Ouais. Pour lui faire croire que j'ai couché avec sa sœur et puis que je l'ai mis enceinte. Ouais, ça par contre. Attends. Ça en général, si tu veux faire la blague, c'est qu'au fond de toi, t'as quand même envie, non? Ah ouais. Ah là, d'accord, ok, il me semblait bien. Bon, du coup, elle ressemble à quoi sa sœur, juste pour notre plaisir personnel? Bon, elle est bien, comment dire, elle est pas très grande ni trop petite, elle est normale, quoi, je dirais. Elle est pas trop grande ni trop petite, elle est normale, ouais. D'accord. Ok, alors, faisons des petits paris. À mon avis, ton pote, il va te répondre au moins ça. Espèce d'enculé, va. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut répondre aussi, ça? Espèce de petit pili de merde, va. Voilà. Il va peut-être te répondre ça aussi. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, ça c'est possible, sinon il y a ça. Enculé de ta mère. Ouais. Bon, on n'est pas à l'abri qui te balance tout ça, effectivement. Ouais, mais bon, t'es ami avec lui depuis combien de temps? Ça fait un moment quand même déjà. Hein. Ça fait au moins 3 ans. Ça fait 3 ans. Bon, d'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire que t'es chez un pote à toi, c'est en l'occurrence moi, hein, moi, Michel. Ok. D'accord. Et puis, après, je lui parlerai de ces gens, je lui dirai, vas-y, c'est pas grave. Enfin, tu vois, j'essaierai de lui prendre un peu la tête. Bon, ouais, on d'accord. y va, on l'appelle, comment s'appelle la copine, la sœur, pardon? Julie, d'accord, ok. Bon, ben, on y va, c'est parti. Le but, c'est de l'énerver. Lecteur Blu-ray pour toi, si jamais ça se passe bien. Et puis, bonne chance. Hein. On y va, Dylan. Sois grand et sois okay, fort. Ouais. Et ton pote, juste avant qu'on l'appelle, il s'appelle comment? Goyor, il est grec. Goyor, il est grec, d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti. On y va, on l'appelle. Nous, on est derrière et on est chez moi, tranquille. Hein. D'accord. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. Allez. Allô. Allô, Goyor. Ouais. Ouais, c'est Dylan, ça va? Putain, tu m'appelles en numéro privé maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont avec cette obsession du numéro privé? Ouais, pour changer. Non, s'il te plaît, j'avais un petit truc à te dire en fait. Tu sais, je suis un pote à moi, je suis avec un bon pote à moi. Et ouais. Bon, t'es en train de faire une petite soirée tranquille. En fait, bah, j'avais envie de t'appeler pour te dire un truc. Oula, qu'est-ce qu'il me sort comme connerie? Bah en fait, c'est pour me dire que j'ai couché plusieurs fois avec ta sœur. Mais t'es un connard, toi, non? Moi aussi, bah ouais, je suis un gang. En même temps, elle a jamais dit non, voilà, c'est bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, voilà. Eh bah, ça va, t'as qu'à dire que c'est une pute aussi, connard. Non, mais tu vas aller dans t'hallucines, mais t'as pas couché avec ma sœur. Mais j'ai pas dit que c'était une pute, c'est voilà, ça fait un moment qu'on se connaît, elle m'a dit qu'en plus tu m'aimais bien, donc comme beau-frère, ça le ferait et tout, ça serait cool. Alors, il le prend comment? Ça va. Bon, bah nickel, bah tu vois, je t'avais dit, fallait pas t'inquiéter. C'est qui? Non, ça va. Bah, c'est mon pote, je t'ai dit, je suis chez lui. Là. Donc je lui ai dit que j'allais t'appeler pour en parler. Ouais. Voilà. Ah, il a une boîte gay, ton pote. Mais non, bah vous êtes des enfoirés, les gars. C'est vrai qu'on a déjà fait des trucs tous les deux, voilà, mais sinon, non, il est pas gay. Qu'est-ce quoi? Il a dit qu'il était gay? Ouais, il était gay. Ouais, c'est un peu plus gay. Dis-lui qu'il a se fait enculer, il est fou, lui. Non, il va se faire enculer, surtout pas par toi, mon gars. Attends, t'es ouf ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je te parle. Pas passe-le-moi. Non, mais on va passer après, on peut passer voir Goyor après. Non, mais passe-le-moi au téléphone 2 secondes, là. Ouais, là, il s'énerve, Louis. Attends, Goyor, je m'en bats les couilles. Ouais. Eh oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es fou dans ta tête? On se connaît même pas, tu me traites de gay comme ça, là? Ouais, c'est normal, t'as pas à intervenir derrière, je parle à mon pote, je parle pas à toi. Bah attends, mais moi, mon téléphone, déjà, il appelle gratuitement et t'as vu comment tu réagis? Et alors, je réagis comme je veux, bien d'accord. Non mais d'accord, mais bon, reste tranquille. Ah, je suis pas tranquille, moi. Reste tranquille, moi, hardcore, qui est con, lui, alors? Qu'est-ce qu'il est con, alors? Moi, je suis hardcore. Déjà, moi, au moins, comment t'expliquer que Guylaine, moi, il s'est pas tapé ma sœur, tu vois ce que je veux dire? Oh, alors ça c'était vous les bas, ça. Alors ça c'était bien bas. Ouais, ça. C'était bien bas, ouais, mais t'inquiète pas qu'il a pas tout fini de t'expliquer, hein. Hein, Dylan? Ouais, qu'est-ce qu'il t'a baisé ma mère aussi? Non, t'inquiète pas, va. La famille s'agrandit. Oh, le bâtard. Là, d'ailleurs. Ouais, vas-y, parle, raconte ta connerie, qu'est-ce que tu viens de dire encore? Ah, j'avais un truc à te dire, parce que aussi, en plus, ben ouais, ta sœur, elle a, comment dire... Un polichinelle. Apprend pas la pilule, et puis ben moi, j'aime pas trop les capotes. Et en fait, bon, on a voulu faire un petit test, vu qu'on a couché plusieurs fois ensemble, et en fait, elle est enceinte. Oh putain, tu pouvais pas tout lui faire sur la gueule, enculé, c'est pas possible, tu pouvais pas lui faire à l'ancienne. Putain, tu fais chier, quoi. Ça y est, je vais être tonton, enculé, oh, le bordel, quoi. Oh, c'est pas grave, oh là là, il va s'en remettre, hein, qu'est-ce qu'il est, ce cinéma, là? Oh putain, mais toi t'as vraiment une voix de gay toi derrière, c'est bizarre ta voix quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Bah t'as qu'à écouter, débouche-toi les oreilles, mon gars. Vas-y, mets-le au haut-parleur. Non, mais voilà, Cognard, c'est pas comme si c'était n'importe qui, c'est moi, quoi. Ben oui, voilà, oh là là, il va pas ouais, me bah, chier attends, pendu, là. Il va avoir la même gueule que toi, il va être aussi moche que toi, mon pauvre, enculé, la honte, quoi. Oh, ah ouais, là, il y a des chances, ouais. En plus, il paraît que ta sœur, elle est pas terrible, hein. Oh les bâtards, vous êtes des enculés quand même. Et je vous emmerde. Non, mais d'accord, ça va, je vous emmerde. Oh, il est toujours comme ça aussi mal poli là, ton pote là, quel con ah, alors. Putain. Ah mais c'est pas le corps. Ouais, c'est pas un bon coup, t'inquiète pas, je te la laisse ta soeur de toute façon. Voilà, maintenant qu'elle est pleine et que j'ai fait ce qu'il faut. Oh l'enculé. Je vais te niquer ta race toi, enculé. Attends, demain on va s'expliquer, demain toi et moi, d'accord. Hein, monsieur le bon, il a pas les couilles de passer ce soir là, qui reporte à demain, il a peur de moi. Ouais, ah ouais, vas-y, passe. Mais vas-y, viens ce soir, Goyard. Non, mais il a peur de moi, là. Et en plus, il me traite de gueule alors qu'il est grec, il est gonflé, hein. Oh, l'enfoiré. Ah, il est gonflé. Ah, mais voilà, ouais, quoi, je voulais... Je suis pas un PD, je suis un grec, je te l'ai expliqué, mon gars. Pareil. Non, mais voilà, moi je te l'ai dit, Goyard, voilà, je devais te le dire, on a parlé avec ta sœur, j'en ai parlé avec mon pote, il me fait le mieux, c'est que tu lâches tout ce soir, et puis voilà, quoi. Voilà, mais il a raison, et puis moi, j'en ai parlé, j'ai donné mon conseil, et voilà. Du coup, j'ai tout lâché. Ouais, bah bon. Et puis... Non, mais vas-y. Coup, on pourra toujours... Ouais, bah oui, j'ai bien tout lâché, même. Mais du coup, on pourra toujours régler ça demain à la grillade, quoi. La grillade dans le cul, ouais, tu vois. Dis donc, il s'énerve quand même relativement rapidement, hein. Ouais, il a... Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. C'est bien. Bah ouais. Bon. Bon, l'enfoiré. Goyard, tu vas l'appeler comment, le petit? Enfin, ton neveu. C'est pas encore décidé du nom. Bah moi j'avais proposé Dylan Junior. Mmh. Ah, tu vois un peu à l'américaine quoi, tu vois Dylan JR derrière, c'est bien. Dylan, ouais, c'est l'occasion de discuter en famille, il y a tonton qui est là. Donc, ouais. Voilà, c'est ça. C'est Dylan Lanus, ouais. Dylan Lanus, ouais, c'est bien ça. Ah non, mais franchement, moi ça peut être un bon plan. Ouais, mais arrêtez de me raconter des conneries, c'est n'importe quoi, je suis sûr c'est que de la merde quoi. Ah ouais, non, mais ça après, c'est ce que tu vas faire quand tu vas devoir torcher le cul du petit, hein, que de la merde. Ah ça c'est pas mal. Ah ouais, t'as vu un peu, hein, t'as vu, finalement je suis con mais quand même, hein. Je t'ai quand même fait barrer un minimum. Je retire ce que j'ai dit, t'es pas game, alors qu'est-ce que t'es con. Ah oui, ça par contre je te l'accorde, ça par contre effectivement je veux bien l'admettre. Mais tu remarqueras, je ne suis pas grec. Ouais, mais t'inquiète, moi je suis juste d'origine. Mais vas-y, ramène ton cul, montrer, ouais, viens. Ouais, c'est ça, arrête ton cinéma, tu vas encore avoir peur, là, sans déconner, quoi. Bon, Dylan. Oh, t'inquiète pas, ouais. Il est con, lui, hein. Ouais, il est un peu. Ah, il est con, hein. Non, beaucoup, même. Oh, qu'il est bête. Folie, ouais. Oh, qu'il est bête. Et il rigole tout le temps. Ah, ouais, c'est qui ton pote, là. Oh, qu'il est bête. Non, c'est Michel, tu connais pas. Bon, et... Goyard. Ouais, c'est moi. Bon, heureusement, Dylan est aussi con que toi. Oh mais ça on le sait, hein, t'inquiète, on le sait, on n'est pas dans le même système pour rien. Voilà, c'est ça. Bon par contre effectivement il n'y a pas de polychinelle, mais par contre il aimerait bien se taper ta sœur en revanche. Ah ouais. Et il voulait, ouais, et il voulait ton consentement. Il y a pas le bébé, mais c'est déjà fait on va dire. Voilà, et il voulait ton consentement. Oh les cons quoi. Non mais alors vas-y parce que, oui j'ai oublié de te dire, Goyard. Ouais. Bon, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël de Limite, et on t'appelait parce que... Bon, en fait, oh, mais attends, parce que l'histoire, en fait, c'est que il savait pas trop comment te demander. Alors, je lui ai dit, tant qu'à faire, autant faire une histoire grosse comme une maison, comme ça derrière, hop, tu le prendras bien. Voilà, comme ça passe bien. Ah, bande d'enfoirés, voilà. Fun Radio, qu'il est là, mais je suis blasé, donc, quoi. Bande d'enfoirés. Attends. Alors, du coup, comment ça se passe pour ta sœur? Ouais, ça te dérange pas, Goyard? Ça fait un moment qu'on se connaît, c'est comme Zéro. Tu peux y aller, mon gars. Bon, ouais. Ben voilà, c'est vrai que t'avais pas appelé pour ça à la base, mais au moins tu sais que tu peux te taper sa sœur. Ouais, voilà, tu sous consentement. Cool. Voilà, voyons le côté positif des choses. Oh, bah là, c'est sûr, c'est nickel maintenant. Bah écoute, exactement, mais tu fais bien, Dylan. Bon, bah, bonne bourre, n'oublie pas la capote quand même, hein. Ouais, on verra bien si on peut créer le polychinelle. Oui, bah après, ça c'est comme tu veux, hein, ça, y a pas de soucis. Et Dylan Junior, hein, comme je te dis, n'hésite pas surtout. Ouais. Bon, allez, salut à toi Dylan. Bah merci, bonne soirée à vous. Mais n'empêche, j'ai jamais vu quand même quelqu'un qui réagissait aussi bien quand tu dis « Ouais, je me suis tapé ta sœur et puis bah tu vas être tonton. Allez, enculé, c'est tout. Ouais, » J'avoue que bizarre. Moi j'ai beaucoup aimé la petite faciale par contre. Oui, ah non mais ça c'est un truc de ouf. Là, quand tu dis « Oh putain, attends, tu pouvais pas tout lui mettre sur la gueule ?» La grande classe. Ouais. Let's be freaks, il est haut qu'il est bête. Bah oui, Christo qui dit « Le mec, tu lui dis qu'il a tiré sa sœur, il rigole. En fait, il est rien, il est juste con. » Peut-être à mon avis. Célineau qui dit « Ils me font trop rire. » là, les gars. Il y a aussi Max qui dit à l'ancienne, comme au Moyen-Âge, Mickaël. Lilou qui dit, ça reste dans la famille. Bah oui, effectivement, Lilou, t'as raison. Le mec qui voulait faire une faciale à sa sœur, mort de rire, c'est Tommy. Mr. Steven qui dit, comment ça, Mickaël, il a une voix de gay, mais il est fou. Je suis assez d'accord avec toi, Mr. Steven. Et Stéphanie qui dit, Michel a une voix de gay, mort de rire. Il y a Max aussi qui dit, un don pour énerver les gens, Mickaël. C'est fou, ça. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis Lynn qui dit aussi, il a une voix de gay, ton pote. Ouais, quel connard, alors n'importe quoi. Et alors Nanou qui dit, mort de rire, tu l'appelles en numéro privé. Oui, ça, je sais pas ce qu'ils ont les gens avec cette obsession du numéro privé. Dès que t'appelles quelqu'un, t'as un numéro. Pourquoi tu m'appelles en privé? Pourquoi tu m'appelles en privé? C'est le truc le plus psycho qu'ils ont dans la tête, c'est bizarre. Bon, on appelle encore d'autres personnes dans un instant pour vérifier le sondage. Ouais, on les appelle en privé. Si tu veux, d'accord. Si ça peut te faire plaisir, pas de problème. En attendant, on écoute Robin Thicke sur Fun Radio avec To Give It To You maintenant sur Fun. Toujours au cœur de la nuit sans pub, hein, on est à la cool, il est 1h22 du mat, on est là, on est tranquille sur Fun Radio. Il y aura Basto tout à l'heure aussi avec Dance With Me, retour avec Mickaël, Samy et Bruno qui voulaient parler de ce qu'ils ont déjà pu voir en étant dans leur camion. Tiens, c'est Mickaël de Limitch qui a 2h, bienvenue. Robin Thicke sur Fun Radio, To Give It To You. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est jusqu'à 2h. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Exact, il y a plein de messages aussi. Il y a Julien qui dit, ce qui est dommage, c'est que c'est toujours les meilleurs moments qui finissent en premier. Je serais capable de faire une nuit blanche pour Mickaël. Oh, c'est gentil, Julien. Prince Adia qui dit, un canular qui se finit bien, il a le droit de se taper la sœur. Eh ouais, c'est vrai d'ailleurs, on vient de le faire à l'instant. Samuel aussi qui dit, j'ai fait mon armée dans un hôpital militaire. Les pompiers nous ont amené une femme avec le levier de vitesse coincé dans la foufoune. Oh, ça c'est bon. C'est drôle ça aussi. Et alors Marianne qui dit merci pour le son top, vous êtes trop fort l'équipe, continue comme ça et continue à nous faire marier, mais à nous faire marrer. Merci Marianne. Et Fred également qui dit, je vois que je suis pas le seul Québécois à écouter Fun Radio. Moi je suis TLM. Tellement content, pardon, de vous écouter, je ris comme un con dans le bus. Ah bah merci Fred. Ah bah attends, mais t'écoutes en 3G alors j'imagine. Il y a Clem aussi qui dit, je viens de niquer un bâtard de moustique, je me sens trop puissant. Elle est contente, elle est contente. Elle a niqué son moustique là, il est bien, hein. Bah écoute, ça lui fait plaisir. Bah exactement. Ah, quoique attention. Ah Clem, il est de retour. Ah celui-là il est... Ah, ah tu sais, c'est celui qui est en train de dormir, il est là et t'arrives pas à le tuer. C'est bon, Clem, je t'ai sauvé. Plus de moustiques, attends, je vérifie. Plus de moustiques, hein. Non, ça a l'air bien. Non, ça a l'air bien. Ah, je peux pas. Surtout quand il est loin, là. Chut. Et puis tout d'un coup... Ah, tu te débats là, c'est... Puis tu te dis, oh, c'est bon, je peux dormir là, maintenant je suis tranquille. Puis tout d'un coup... Et moi j'ai une solution. Attends, il est là le moustique ou pas? Tof. Vas-y, fais. Non, il est toujours là. Par contre. Voilà. Ah. On l'a sorti la bombe. C'est mieux que Bégon, les gars. Ah ouais, il n'a pas survécu. C'est mieux que Bégon, c'est clair. Bon, bah, bien, bon, bravo à toi, Clé. Mais nous aussi, on a buté le moustique, là. On est tranquille. On est vachement tranquille à ce niveau-là. Bon, dans un instant, retour avec Mickaël, Samy, Bruno, Freddy également, qui est déjà là. Freddy, t'es là, Fred? Ouais, salut, les gars. Bon, salut, Freddy. Bon, alors, est-ce que tu veux que Toff se fasse encore insulter un petit coup, là? Comment? Est-ce que tu veux que Toff se fasse encore insulter un petit coup? Ah ouais, j'adore. Parfait. Alors pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine, on avait également appelé un Carolo à un moment et ça avait donné ça parce que vous êtes nombreux sur le Facebook, sur le Twitter et le Facebook aussi d'ailleurs avec le hashtag et Mickaël a demandé de rediffuser l'extrait du Belge. Alors c'est pas l'extrait complet que je vais vous mettre, c'est juste l'enfilade d'insultes. Mais quand je dis enfilade, ça s'est réellement passé comme ça. Hein. Toff arrivait pas à en placer une et c'était ça. Ta gueule, connard. Oui, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. C'est ta mère qui a un grand tutoriste. Elle t'a mis au monde avec un tutoriste sur ton front. Connard, espèce d'enculé, c'est énorme. Ah, oh, j'adore, putain. Oh, c'est ton filade. C'est ton filade. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Le pire, c'est que t'entends ton fili. Il peut pas. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. C'est ta mère qui a un grand tutoriste, toi. Elle t'a mis au monde avec un tutoriste sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Elle t'a mis au monde avec un clitoris sur le front, mec. Qu'est-ce que ça veut rien dire? Imagine Imagine, ça, le gars, il a veut... un clitoris sur le front. Ça ne veut rien dire. Oh, non, il y a bien un mec qui a un nez sur le front. Ouais, c'est vrai. Ouais. On lui a mis, parce qu'en fait, il s'est fait, il a eu un accident, il a perdu son nez, ils l'ont mis sur le front pour qu'il repousse. Véridique, je te jure. Il y a des photos qui traînent sur internet. Bah, tu vas voir. Si, ils l'ont greffé pour pas que le nez. Pour qu'il respire. Bah oui. Tu sais, c'est comme quand t'as un problème de main. Par exemple, si ton pouce est coupé ou ta main, il te la greffe sur le pied. Pour qui que ça puisse continuer à gérer le temps qu'il t'opère et après ils te la remettent. Véridique, on se fout pas de ta gueule, va voir. Mais regarde, c'est vrai. Voilà, regarde. Il est là. Bon, on va le mettre sur le Facebook, comme ça vous allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Bon, alors Freddy, reste avec nous. On va faire un ou deux appels là avec Toff là maintenant là pour toujours cette grande question. Les femmes, apparemment, d'après un sondage, préfèrent faire le ménage à faire l'amour. C'est scandaleux. Paraît quand même assez improbable. Donc on y va, c'est parti. On appelle. On appelle maintenant. Hein. Merci pour les numéros. Hein. Vous avez été nombreux. On va lancer des numéros ce soir, ce qui fait notre beurre. Allez. Allô. Oui, bonsoir madame. Ah. Oui, vous m'entendez? C'est qui? C'est Toff. Qui? Toff. Ça a reculé. Toff. Oui, c'est moi. Toff. Oui. Oui. C'est moi. Et je vous appelle. Voilà. Et je vous appelais pour vous demander en fait pourquoi vous préfériez faire le ménage à faire l'amour avec votre mari. Parce que je le hais, mon mari. Voilà pourquoi. Vous le? Mon mari, je le hais. C'est ça veut dire le hais? Non, je ne sais pas, mais vous allez m'apprendre. Non, je ne sais pas, mais allez, soirée bonne, hein, ciao. Oui, mais ça répond. Allô. Je n'ai rien. Moi non plus. Le hais. Le hais, je sais pas ce que c'est. Bon, on rappelle. Vous l'avez la renforme. Allô. Oui, allô. Ça veut dire quoi le hess? Eh, moi je tourne non, tu rappelles, je te nique ta pute de grand-mère, t'as compris? Un pute de mes cheveux. Quelle violence. Elle est dédicace à la grand-mère de Toff. Exactement. Pauvre José. Allez, on rappelle. on rappelle. Non. Oui, allô. Oui, pourquoi toute cette vulgarité? Oui, bonsoir, donc excusez-moi de vous avoir dérangé. J'aimerais juste vous dire que je vais vous niquer votre mère, si vous rappelez encore ce numéro, et que je sais plus. Bah voilà. Allez, bonne soirée. Elle est complètement atteinte. Elle est à la masse, elle. Elle est complètement barrée. Ah bah à mon avis, je pense que la soirée, quand on t'expliquait qu'elle a dû faire sa soirée du jeudi là. Vous avez remarqué la nuance d'offre. Soit elle est bourrée, soit elle est bourrée. Ouais. Déchirer les fonds. Il peut pas y avoir d'autre solution à mon avis. Ouais, je crois que complètement déchirée. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Hein. Si vous avez des numéros, sandro@funradio.fr, vous lui envoyez tous les numéros standards. Et puis on les appelle avant 2h du matin. Bon, Freddy, alors, Dalby, comment ça va là-bas? Bah ça va bien, je vous. Bah écoute, ça va bien, hein, tranquillement. Qu'est-ce qui t'amène, Freddy? Bah j'avais une histoire à vous raconter par rapport à un petit blocage que j'ai eu depuis 2 ans en fait. Et je voudrais savoir s'il y avait des personnes dans la même situation et si des personnes pouvaient m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, j'étais au collège, donc en 3e, là maintenant je suis au lycée en 1ère. Et donc, une après-midi où j'avais fini les cours plus tôt, je suis rentré chez moi. Mmh. Et j'ai surpris mon grand frère avec sa copine dans sa chambre. Et à partir de ce moment-là, j'étais encore jeune dans ma tête et j'ai eu un blocage. Et disons que désormais, avec les filles, je suis plus distant. Attends, mais il faisait quoi ton frère? Bah, ils étaient en train de faire amour, quoi. Ah bah c'est bien, c'est beau, c'est naturel, oui, c'est la vie, c'est voilà. La vie. Mais oui, c'est beau. Enfin, ça dépend ce qu'ils faisaient avec aussi, hein, mais je veux dire, c'est... sinon... Voilà. Et t'avais quel âge? Ah, j'avais 15 ans. Putain, moi, je putain, mais... 15 ans. Grave, mais la majorité des mecs, ils auraient été voir ça. Oh putain, génial. Oh, j'aurais mis un doigt. Ouais, sur le coup, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais après... Mais t'as cette bloc de quoi, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est qu'après, j'ai un petit frère encore qui a 4 ans de moins que moi. Ouais. Et par rapport à lui, j'ai peur qu'un jour, en le faisant, que... Bah, tu sais quoi, j'ai une solution. Bah, tu fermes la porte et puis on en parle plus. Oui, c'est vrai, c'est une idée, ouais. Ouais, sinon, il y a un truc vachement bien, ça s'appelle l'hôtel aussi. La porte, Ah oui, non mais tu fermes la porte à clé, après t'es tranquille. Mais c'est même pas ça, écoute, après si vraiment t'as un gros problème, faut peut-être je sais pas moi, aller en parler, tu vois, consulter. Mais qu'est-ce que tu veux qui arrive? C'est pas grave, c'est ton petit frère. Quel âge il a du coup ton frère? T'as 17, il a 4 de moins, il a 13. Ne t'inquiète pas, c'est sur internet, il a déjà vu bien pire que ce qui peut arriver à mon avis dans la vraie vie, hein. Ouais, mais je passe, ça me fait un blocage un peu. Ouais, mais il faut pas. Moi, t'as déjà grillé quelqu'un, toi, en train de baiser, Toff? Arrête, toi! Ah ouais? Bon, d'accord. Non, vas-y, mais j'ai eu peur. Quoi? Vas-y. T'as eu peur que quoi? Vas-y. Bon, vas-y, c'est quoi? Donc, ouais, donc moi, bon, attends, avant, pour être sûr. Voilà. Voilà. Moi, je battais ma voisine. C'est-à-dire qu'en fait, ma chambre donnait sur la chambre de la voisine. Et donc, du haut de ma fenêtre, je pouvais voir la voisine en train de baiser. Ouais. Avec son mec. Et donc, voilà, jusqu'au jour en fait, où elle a grillé. Et donc, elle fermait les rideaux. Et donc, je pouvais plus la voir. Oh merde, déception totale. Ouais, mais ça t'a traumatisé quand même. Non. Regarde ce que t'es devenu. Ah, si, regarde, hein. C'est devenu un connard. Ah. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. La voisine n'y est pour rien. Ouais, c'est dû à son ex. C'est dû à une autre ex. C'est dû à une autre ex. Bah, dites-nous, tiens, si vous avez déjà grillé votre. Allez, on va dire la famille. Comme ça, au moins, on peut voir un truc un peu comme Freddy qui, lui, a un blocage depuis qu'il a grillé son frère il y a quelques années en train de baiser une meuf. Et Sandro, toi, ça t'est déjà arrivé? Non, c'est plus grave que ça. C'est que je me suis fait griller à poil par mon voisin. Oh, c'est bon ça! Ah, le voisin, ça l'a fout mal quand même. Hein. Depuis, il va mal. Ah, mais je l'évite. Putain, j'étais vénère. Bah, lui, il est en thérapie depuis. Ouais, depuis, il est en thérapie, voilà, c'est ça, et c'est terminé. Hein. T'as vu, t'as mieux marché parce qu'on a fait la même, mais elle a pas compris la mienne. Lui aussi, m'évite. T'avais dit quoi, toi? Mais moi, j'avais fait depuis, il va mal. T'as pas essayé d'être non, hop là, nickel. Non, parce que j'ai du mal ce soir, je suis malade. Je mais crois c'est que parce qu'elle malade. A pas mangé de M&M's depuis hier et des chocobons, alors forcément, les perturbés. Je suis moins frais quand vous êtes parti. Comme une vache. Il y en a plus là. Exactement. Merci à Xavier d'ailleurs, l'auditeur qui est passé nous voir hier soir. Bon, Freddy, reste avec nous. Tiens, si vous avez des conseils, enfin, pas des conseils, mais si vous avez déjà vécu la même chose, genre vous avez grillé quelqu'un de la famille, frère, sœur, même les parents, ça par contre, ça peut être angoissant, les parents. Ouais, les parents, c'est chaud quand même. Les parents, c'est angoissant, même si au final, c'est bien, parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils s'entendent bien et qu'au final, tant mieux. Mais ça peut être perturbant quand même. Y a Lilou sur le Twitter qui dit ouais, moi j'ai déjà surpris mes parents en allant aux chiottes, c'est effrayant. Ah ouais, ça je vais croire. Justine qui dit mes frères m'ont mis devant un film porno, j'avais 4 ans et je l'ai bien vécu, pas de traumatisme. Bah écoute, tant mieux Justine. Hein. Y a Célineau qui dit je devais me coucher tôt ce soir mais j'ai découvert l'émission ce soir. Ah merde. Ah, on désolé. Est désolé Célineau, on est désolé. On essaiera de faire une émission merdique la prochaine fois, comme ça tu pourras dormir plus tôt. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Laurine qui dit je ris comme une conne dans ma chambre sur mon lit. Stéphanie qui dit quand j'étais petite, j'ai surpris ma mère et mon beau-père, ça m'a traumatisé. Je lui disais arrête David, tu lui fais mal. Oh bah oui, forcément. Et Tommy qui dit le Belge était énorme, mais le Corse reste numéro 1 quand même au niveau des canulars. C'est vrai qu'il était pas mal, il était pas mal. On va récupérer Mickaël qui est avec nous maintenant de la Manche. Mickaël. Yes. Comment alors, ça va? Bah ça va bien, hein, Mickaël le routier donc qui nous avait appelé pour réagir par rapport au sujet d'un autre routier qui nous avait appelé pour nous dire qu'il était tombé sur un mec pendant qu'il était dans son camion, un mec qui est passé à côté de lui tout nu dans sa voiture en train de se branler. Voilà, bah, normal. Moi, c'est à peu près pareil, sauf que moi ils étaient pas à poil en fait. Ah, ils étaient comment? Ah bah ils étaient en voiture en fait. C'était au tout début que je roulais. Ils étaient pas à poil, ils étaient en voiture. Ils étaient habillés. Et comme en fait au tout début que je roulais, j'avais dormi en face de chez mon client pour le lendemain et en fait je m'étais garé à un mauvais endroit. Et c'était un rendez-vous pour les homosexuels. Et je dormais tranquillement, donc j'avais tiré les rideaux du camion. Et là tout d'un coup à fond de balle. Non, il y a plein de bagnoles qui tournaient. Il y a plein de bagnoles qui tournaient, au bout d'un moment j'ai voulu voir ce que c'était et en fait dans le camion que j'avais, la lumière de la cabine était à côté des feux de détresse. Je me suis planté, j'ai appuyé sur les feux de détresse et là, 3 voitures devant le camion en train de faire des appels de chat. Donc du coup, moi j'étais pas trop rassuré, j'ai appelé ma copine, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Du coup j'ai pris une barre en prévention, je suis allé les voir, j'ai dit non je suis pas intéressé, par contre je suis en train de dormir s'il vous plaît. Donc bonne bourre mais pas trop de bruit quoi. Ouais, mais autrement ça m'est arrivé même en Angleterre comme le gars tout à l'heure. Mais en fait en Angleterre les volants sont inversés quand on va là-bas. Et en fait, le mec, il se laissait doubler par les camions. Et en fait, quand on le doublait, en fait, il se masturbait, il nous regardait. Quoi. Ah, c'est long, ça. Bon appétit. Voilà. Très classe. On en voit bien un bel sur la route. Quoi. Tu m'étonnes. Ah oui, ça c'est clair. Attends, il y a Samy aussi qui est avec nous de Tours, là. Salut, Samy. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, bienvenue à toi, Samy. Alors, toi aussi, t'avais vécu un truc à peu près pareil? Moi c'était mieux encore. Ah vas-y. Moi ce qui s'est passé c'est que je travaillais dans un festival, alors je vais pas dire le nom du festival. Et puis en fait il y a une fille, elle nous a fait un striptease devant nous. Ah sympa ça. Déjà c'est quoi le festival là? Parce que nous on ira. Hein. Ouais, c'est juste. Ah non. Ah si. Ah non, bah non. Ah si. Ah bah non. Ah si. Bah non parce qu'en fait. Ah si. Non, ah si. Bon attends, on va faire plus simple. C'est dans quel coin de la France? C'est à Tours. À Tours, enfin, c'est vers, c'est vers quelle date? En juillet. Juillet à Tours. D'accord, ok, oui. Très bien. Bon, on va se renseigner. Bon, et donc du coup, il s'est passé quoi alors? Eh ben, en fait, la fille, elle voulait rentrer et nous, on voulait pas parce qu'elle avait pas de bracelet. Ouais. Et en fait, elle nous a fait un strip-tease devant nous. Ça, c'est bon, ça. Ah oui. Ah ouais. Et du coup? Et bah du coup, bah, on a bien apprécié. Et vous l'avez fait rentrer ou pas? Bah non, elle a pas kiffé. Ah du coup, vous l'avez fait rentrer? Non. Donc elle a fait ça pour rien? Ben oui. Ah putain. Quelle bande de salauds. Ah ouais, vous avez fait les enculés là. Parce que vous auriez pu lui dire dès le début, non mais vas-y arrête, ça sert à rien, de toute façon tu pourras pas rentrer. Mais non, les mecs ils sont rincés l'œil. Hein. C'est vraiment enfoiré. Mais ouais, bah, clairement. Bah attends, il faut bien des fois. Hein. Bah oui, non mais dans l'absolu t'as raison, hein, c'est pas ça, mais après s'il était prêt à le faire. C'est juste que ouais, t'aurais pu la faire rentrer quoi. Ben oui, mais après moi j'aurais bien voulu la laisser rentrer. Mais après, bah j'avais des gens en dessous de moi qui voulaient pas la laisser rentrer. Ouais, parce qu'ils avaient pas vu le striptease. Ben si, ils l'avaient vu aussi, ils étaient là. Ah ouais, eux, c'est des enculés aussi alors. Alors voilà. Ouais, tu vois, finalement, l'histoire de Samy est mieux que celle de Mickaël. Enfin, si, à vivre en tout cas. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Attends, il y a aussi Bruno qui est avec nous là, du Mans. Salut Bruno. Salut Mika. Comment salut, ça va? Impeccable, Mickaël, sur la route comme tout le monde. Ah ben voilà, routier aussi alors. Eh oui. Bon, eh bah alors, très bien. Alors, explique-nous Bruno, qu'est-ce qui s'est passé chez toi là? Il m'en est arrivé plusieurs, quoi. Il m'en est arrivé plusieurs, je crois que... Alors, je vais préciser déjà au point de départ que je suis 100% hétéro. D'accord. Voilà. Hein, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la conversation qu'on pourrait avoir par la suite. Non, mais et combien même tu serais gay, on s'en fout, hein, mais vas-y quand même. Exactement. Mais tu peux exactement. Tu sais, si tu as une ou deux expériences homosexuelles, ça n'est pas grave. Hein. Exactement. Tu peux tout nous dire. Tu es ici chez toi. Mais je les attire, moi. Ah bon, bah écoute, très bien. Alors, vas-y, explique. Ah, tu es beau gosse. J'étais donc sur la route à l'époque où je faisais du national et. Je dois bloquer dans un centre routier qui se trouvait à Agen. Et du coup, voilà, il était 19h. Disons ouais. À peine 19h, peu de temps avant d'aller au resto pour pouvoir manger. Donc Agen, en plein été, voilà, il faisait chaud, les portes ouvertes et à la cool en train d'envoyer des textos avec le portable et les pieds sur le volant et j'attendais tranquillement de pouvoir aller manger. Et le gars s'est carrément pas démonté, il est carrément venu taper à ma porte pour me demander si j'étais intéressé par... c'est les services qu'ils pouvaient me proposer quoi. C'est bon ça. Donc, oui putain. Gentiment j'ai refusé. Effectivement tu les attires, hein, je te confirme. J'ai refusé gentiment. C'était une expérience celle-ci parmi tant d'autres. Bon, voilà, comme pas mal de gars entre ceux qui se masturbent au volant et qui freinent pour bien qu'on les voie. Alors moi du coup maintenant j'en fais un jeu. J'en fais des appels de phare quand ils sont devant moi. Ils mettent un clignotant pour pouvoir commencer à s'engager sur le premier ordre d'auto qu'ils peuvent rencontrer et moi je trace tout droit. Ah c'est pas mal, un bon plan, tiens, bah notez les routiers, voilà. Hein, même les autres aussi, ça peut être une bonne idée ça. C'est vrai, tu les envoies dans la voie de garage quoi. Voilà, gentiment, ouais. Alors il y en a un, ça m'est arrivé sur la honte. Et il y en a un, il est revenu une deuxième fois, il avait pas compris a priori. Ah mais tu l'as raté là, t'as raté la sortie. Et carrément, donc du coup il était carrément bah, beaucoup moins loin que moi et il m'a fait son clignotant à droite. Donc j'avais mis mon clignotant à droite, j'ai refait des appels de phare et quand il s'est engagé, j'ai de nouveau tracé tout droit, je l'ai tendu. Bah c'est pas mal, bah merci les mecs d'être passés en tout cas là, Mickaël, Samy et Bruno. Hein. Et ouais, merci, dit, oula, à fois, ouais, tu voulais dire un truc Bruno? Ouais, ceci dit, pour réagir à l'autre sujet, moi j'ai surpris mon père. Avec sa maîtresse. Ah bah alors bouge pas Bruno, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Bah alors reste là. Samy et Mickaël, merci à vous deux. Par contre, merci, bonne soirée, continuez comme ça les gars. Alors attendez, tu dis Mickaël? Merci et continuez comme ça les gars, ça fait du bien. C'est gentil, c'est gentil Mickaël, t'inquiète. Merci à toi en tout cas d'écouter Fun. A bientôt Mickaël. T'inquiète, à bientôt. Il y aura un moyen de... Oula. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse pour le pack, y'a pas de problème. Salut Mika, à bientôt. Salut. Ciao. Et Samy, tu disais quoi? Est-ce que je pourrais avoir un smartphone? Un smartphone? Non, Samy, on en a plus des smartphones là pour l'instant là. Non? Ok, ah bah non. D'accord. Ah bah non, je peux te filer un pack, mais il y a pas de smartphone dedans par contre. Ouais. Ah, écoute, c'est toujours ça de prix. Hein. En même temps, il marche bien ton téléphone, on t'entend bien? Non, bah non, il déconne. Bah non, on t'entend super bien, tu rigoles ou quoi, Samy? Il marche super bien. Là, il fonctionne, mais des fois, il s'éteint tout seul. Ah ouais, mais il faut le rallumer alors. Ah bah oui. Mais ça va. Vous savez, c'est les mecs qui te prennent. Oui, écoutez, un cadeau. Non, ouais. Tu vois ton téléphone, mais il marche très bien. Tu vas juste. Bon, Samy, bah passe une bonne soirée quand même. Tu reviens quand tu veux. Ok, merci. Salut Samy, à bientôt. Ciao à toi. Allez, restez sur Fun, on revient dans un instant avec Freddy. On va encore appeler 2-3 personnes là ce soir et puis on va se faire encore un son belge. En plus, là c'est Baston qu'on écoute maintenant, c'est Dance With Me sur Fun Radio. 1h44, on est au plein cœur de l'émission sans pub d'ailleurs, hein, profitez-en bien. Mickaël, No Limits, c'est jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Et venez nous rejoindre encore, hein, hashtag et Mickaël sur Twitter et sur Facebook. Et puis on fera le top tweet aussi dans un quart d'heure. Mettez un maximum de hashtag et Mickaël. On est en top tweet depuis 23h30, donc on est plutôt à la cool à ce niveau-là. Merci à vous en tout cas pour tous vos messages. Et puis 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour nous joindre depuis la Belgique. Bienvenue. Why don't you dare me? Espèce de petit pili de merde, va. Bah va te faire enculer, connard. T'as que ça à foutre, tête de mort. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Va. Allez vous foutre. Ah, t'as été coupé, mon con. Espèce de petit pili de merde, va. Mickaël, No Limits, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, là, avec le petit mix à l'instant là, de Basto avec Dance With Me. Dance With Me, va te faire enculer, connard. Voilà, c'était le petit remix. Et il y a Mike WS, il dit salut le festival, c'est Freeway Festival à Tours. J'y étais, mais la striptease, bah, je l'ai pas vue. Ah merde, putain, dommage. Dommage, ah ouais, vraiment con. Bon, bon, on essaiera d'y aller la prochaine fois, pas de problème. Bon, avant de lire tous les messages qui viennent d'arriver, eh bien nous allons rappeler là, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, allons-y. Bah oui, parce que ce serait dommage de déranger les gens. Ah bah oui, oh là là. Bah oui, non mais c'est ça. C'est vrai qu'à cette heure-là, on les dérange pas. Mais on n'est pas du style à déranger les gens justement. Non, on les réveille pour rien, tout ça, non. Voilà. Il y a un sondage qui est donc sorti. Oui. Qui dit que les femmes préfèrent faire le ménage que faire l'amour. Oui, et je trouve ça très inquiétant. Voilà, ce qui nous a perturbé, donc on a décidé d'appeler les gens pour vérifier ce sondage-là, justement. Donc c'est parti, on y va. Direction je ne sais pas où, mais grâce à vos numéros, j'espère que quelqu'un va décrocher. On y va. Ça a l'air plutôt mal barré. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir pourquoi vous préférez faire le ménage à faire l'amour à votre mari. Ah, ça a terminé rapidement plutôt, c'est dommage. C'était très court là. On va rappeler, hein. Je suis déçu. C'est certainement une erreur de téléphone. Ou une mauvaise ligne. Enfin, un problème quoi. Allô ? Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu votre réponse. Non, mais vous m'emmerdez. Ça, ça vous va ? Bah non, c'est pas la réponse que j'attends, madame. Ouais, mais c'est, je pense que c'est la réponse que t'auras. Bon, on va la rappeler encore une fois, hein. Allez, on rappelle encore un coup. Et c'est Inou qui dit merci à vous plutôt. Oh bah non, c'est Inou, merci à toi d'écouter. Surtout si tu viens de débarquer en plus. Allô. Oui, excusez-moi, mais c'était pas la bonne réponse à la question que je vous ai posée. Écoutez-moi, hein, vous n'avez rien à faire. Non. Bon, alors, écoutez-moi, arrêtez parce que j'appelle les flics. D'accord, mais ça répond pas à ma question tout ça, madame. Mais je ne vous répondrai pas, monsieur. Bah pourquoi ? Parce que vous m'emmerdez. Bah oui, mais enfin bon... Oh, dis donc, désagréable. Bah, célèbre, bah, mais oui. Enfin bon. Bah oui, mais oui, mais enfin bon. Et du coup, il y a un auditeur qui nous a envoyé un mail avec un message. Appelez-la, c'est une cochonne. Est-ce qu'on l'appelle ? Bah allons-y. Bah oui, écoute. Moi bon. Les cochonnes, j'aime ça. Bah c'est ça. Donc merci pour les numéros que vous nous avez envoyés tout au long de la soirée. Je vous le rappelle encore une fois que si vous avez des numéros de téléphone à donner de gens qui sont encore debout à cette heure-ci qu'on pourrait éventuellement un peu emmerder, vous pouvez envoyer un mail, hein, sandro@funradio.fr. Allez, c'est parti. Alors on se fait le dernier là, après on arrête de déranger les gens. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir pourquoi votre femme préférait faire le ménage plutôt que de faire l'amour avec vous. Ah, parce que vous bordez sûrement plus que moi. Ah oui. C'est parce que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes d'érection alors. Ah bah si vous le dites, monsieur. Bah je sais pas, moi je vous demande, monsieur. Bah, à quel honneur ? Moi je m'appelle Toff. Toff, ok Toff. Voilà. D'accord. Et donc oui, donc pourquoi votre femme elle préfère faire le ménage plutôt que de faire l'amour ? Bah bon, faut peut-être le demander, hein. Ah bah passez-la moi. Je vous la passe. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir pourquoi vous préférez faire le ménage plutôt que l'amour à votre mari. Mais c'est quoi cette question stupide ? Mais c'est pas une question stupide, madame, c'est une question sérieuse. Bah, votre question, pour moi, elle est stupide. Elle n'a pas de sens. Bah, qu'est-ce qui n'a pas de sens ? Bah, la question que vous m'avez posée. Bah, si, je vous demande pourquoi vous préférez faire le ménage plutôt que de faire l'amour à votre mari. Bah, non, chez moi, c'est le contraire. Ah bon, vous préférez faire l'amour que de faire le ménage ? Ouais. Ah oui, c'est parce que c'est pas ce que j'ai dans mes statistiques, quoi. Non. Bah non. Qui c'est qui nous a donné ces statistiques? Ah bah c'est un sondage, madame, et le sondage dit que les femmes préfèrent faire le ménage plutôt que l'amour. Alors du coup. Ah oh, mais on n'est pas toutes les mêmes, hein. Ah oui, vous êtes un petit peu cochonne. Si vous le dites. Ah bah je sais pas, je vous pose la question, moi. Ben. Et donc? Oui. Ah oui, donc voilà. Donc oui. Oui, donc voilà. Vous êtes un peu cochonne. Voilà. Bon, vous avez raison. Eh ben je vous remercie. C'est gentil de l'admettre. Voilà. Eh ben écoutez, une bonne soirée. Vous aussi, merci. Allez, hein, et bonne bourre. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça ne sonnera plus longtemps. C'était la voix de Thor, celui qui fait une radio. Oh merde, oh putain, ça a été accroché. On s'est fait griller par eux, dis donc. Merde. Par contre, on s'est fait un peu enfumer, hein, parce que le mec qui nous envoie un message, genre, ouais, vous allez voir, c'est une cochonne. On a connu vachement mieux quand même au niveau de la cochonnerie. Hein. Mais bon, on s'est fait griller encore une fois, victime de notre succès. Mais c'est bien parce qu'elle a quand même été jusqu'au bout. Hein. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que la meuf, elle sait que c'est moi. Mais elle, okay, va, jusqu'au elle bout. Va jusqu'au bout et puis elle fait. Ah bah c'était top. Bah oui, c'est top de faire la radio là, c'est connard là. Dit écoute, justement là. Bon, allez, retour avec. Et Colin, t'es toujours là, hein. Bah oui. Bon, bah comme bien tu t'es endormi hier, hein, je rappelle que Colline, on a depuis dimanche soir parce qu'elle a plus de radio. Ses parents lui ont confisqué parce qu'elle écoutait trop la radio. Bah du coup, maintenant, elle écoute encore plus puisqu'on l'a tous les soirs dans le téléphone, dans le standard, jusqu'à la fin pour qu'elle puisse écouter l'émission. Ça va? Tout va bien? T'as un truc à dire sur l'émission? Un truc que t'aimes bien, que t'aimes pas? Bah, c'était la première personne aimable. Hein, c'est la première fois que quoi? C'était la première personne qui était aimable ce soir, donc je... Oui, effectivement, personne n'a sorti. Enculé de ta mère. Voilà, on n'a pas insulté Toff. J'ai compris, fils de pute. Voilà, c'est ça, on lui a pas dit de faire ça. Dans ton cul, au connard. Voilà, c'est ça. Voilà, enfin bon, bref, il y a plein de trucs qu'on lui a pas dit ce soir. Par contre, on lui a dit ça. T'as que ça à foutre, tête de mort. Tête de mort. Bon, il y a le prince d'État qui dit aussi merci pour la version de Basto à l'instant, Mickaël. Ah oui, version remix que j'ai faite en live. Lynn qui dit petit remix, bye et Mickaël, ça gère. Super DJ Insulte, c'est Julien qui va envoyer ça. Et Tony qui dit super le remix de Mickaël. Oh, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. On improvise comme ça, quoi. Bon, et plein de messages qui sont arrivés là par rapport à Freddy. Freddy qui a grillé son frère en train de niquer sa copine quand il était plus jeune. Et donc, depuis, ça le perturbe quand il doit coucher avec une meuf. Il y a Tommy, un autre qui dit j'ai déjà capté la sœur de mon pote en train de faire l'amour et mon autre pote se tapait une queue en les écoutant. Classe. La grande classe, ouais. Effectivement. Alors il y a Bruxelles 2709 qui dit moi j'ai grillé mon coloc en baisant, je le vis plutôt bien. Écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a Ludo le cascadeur qui dit j'ai grillé mon frangin qui couchait avec sa copine alors qu'on dormait dans la même chambre alors qu'on avait un lit à deux étages et je dormais en dessous. Oh putain. Mais c'est cool, ça veut dire qu'il est en bonne santé le frangin. C'est oui, cool. Oui, mais bon, ça baisse, quoi, parfois t'as envie de dormir quoi. Charline qui dit j'ai surpris ma mère et mon beau-père alors que ils savaient que j'étais juste en haut car on était à l'hôtel en duplex, donc aucune porte, c'était une horreur. Stéphane qui dit j'ai déjà cramé ma mère dans la cuisine, c'est choquant. Bah wow. Oui, c'est clair. Et alors Stéphane, c'est choquant, ça s'écrit pas CHO et se passe quand QAND, hein, choquant, c'est pas comme ça que s'écrit, Steph, quand même. Le pire, c'est qu'il écrit bien J, apostrophe, AI, tout ça, etc. Ou alors c'est chaud quand même, peut-être. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Allez, peut-être, je laisse le bénéfice du doute. Clem qui dit mort de rire, vous êtes trop énorme, merci de m'avoir sauvé. Bah, de rien, Clem, cet enculé de moustique, on allait pas te le laisser te faire piquer. Indissociable qui dit grosse prise de tête ce soir, l'équipe, videz-moi la tête, please. Je compte sur vous. Bah, écoute, j'espère qu'on l'a fait, indissociable. Et alors Jean-Philippe qui dit j'ai trouvé un casque pour Colin, pour son téléphone, qu'elle écoute fun. Comment l'envoyer? Ah bah Jean-Philippe, on va te. Bah appelle Sandro maintenant au standard 01 42 48 5000, on va essayer de gérer ça. Et Sofiane qui dit salut les mecs. Salut les mecs, je suis au taf à la régulation du SAMU et comme il n'y a pas d'appel, bah je peux vous écouter, c'est trop bien l'émission. Merci Sofiane. Bah s'il n'y a pas d'appel, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voyons le côté positif. Il y a également Magnum avec nous maintenant. Salut Magnum. Salut. Comment ça va? Je voyais plutôt ça comme une glace moi personnellement. Mais non, c'est un camion. Ah c'est un camion, d'accord, ok. T'as pas de Reims, Magnum, toi, tu voulais réagir à Freddy quand il était petit, donc Reims, il a grillé Magnum, son frère en train de niquer avec sa meuf et ça l'a perturbé. Et donc toi tu voulais dire quoi par rapport à ça? Bah en fait moi j'ai gaulé mes deux demi-frères en train de s'enfiler. Ah ouais, c'est pas mes demi-frères, c'est les fils de la femme à mon père quoi. C'est pas de la famille quoi. Ah ouais, mais ça c'est choquant Freddy, tu vois. Je préfère encore être tombé sur mon frère. Mais il faut dire qu'à l'époque sa copine elle était pas terrible donc bon. Ouais mais d'accord, mais enfin quand même Oh waouh, wow, ouais. Putain, la McDonald's, tu nous as tué, la... ouais. Tué le dossier. Et ma meuf, si elle même peur, si... Ma meuf, si j'ai une meuf, même si elle est moche, je préfère elle qui enfile étoffe, quoi. Grave. Je préfère enfiler la meuf la plus moche du monde. Voilà. Que toffe, clairement. Je passe une annonce. ils étaient jeunes en même temps, ça arrivait il y a longtemps. Mais c'est pas une excuse. Non, mais même, c'est pas une excuse. Ils jouaient tous les pires, ça joue. Putain, c'est violent. Attends, il y a Bruno donc on l'avait eu là d'ailleurs, le camionneur là. Bruno, t'es là ? C'est Bruno qui... Je suis là, ouais. Alors, dis-moi. Faut que je m'en remette là. C'est pas mal. Ah ouais, l'histoire elle est violente hein, quand même avec Magnum. Hein. Ah ouais, bon. c'est chaud. Alors, c'est quoi la tienne, toi, Bruno ? Hey, Magnum, tu m'as tué. Magnum, ma mère avait une meilleure amie et en fait, quand mon père envoyait ma mère faire les courses, il se tapait la meilleure amie de ma mère. Et un jour où j'étais censé être au bahut, je suis rentré plus tôt que prévu et j'ai surpris mon père et sa maîtresse, donc la meilleure amie de ma mère, dans le lit conjugal. Et, la meilleure amie en plus, le bâtard. Ouais, comme tu dis, ouais, c'était le mot juste. Et comme il s'est senti relativement con quand il a vu que j'avais grillé, il a acheté mon silence. Comment ? Oh là là. À coup de billet de 100 francs à l'époque. À coup de billet de 100 francs et tous mes potes de la cité comprenaient pas en fait que j'étais pété de thunes à 12, 13, 14 ans quoi. Ah putain, il a acheté le... Et toi tu t'es un vendu quoi. Ah, il a raison, je fais pareil. Hein. Sur le coup là, sur ce coup là, ouais, parce que pris, enfin voilà, l'expression de Dieu, mais le cul entre deux chaises quoi. Ouais, et... bah c'est surtout ton père hein, qu'il avait mis quelque chose entre les deux culs. Ah, ouais, tout à fait, et quoi dire, le dire à ma mère, au risque de lui faire de la peine, et de prendre une branlée par le père. Bah, c'est ça, tant qu'à faire, autant prendre l'oseille. Hein. C'est ça, bah ouais, dans un premier temps, et tôt ou tard, le secret était quand même relativement lourd à porter. Ouais, j'ai balancé la paire et ça fait. En plus, l'autre il a été payé, il lâche le dossier. Ah là, c'est dur hein, pour un enfant. Pour un jeune, attends, c'est mais chaud il est quand payé. Il a été payé, c'est bon. Il a été payé. Hein, après, t'avais plus d'oseille, mec. C'est, ouais, peut-être que ton père a plus d'oseille. Attends, il y a Hubert aussi qui est avec nous là, d'Auxil dans le Loiret. Salut Hubert. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous l'équipe? Bah tranquillement. Hein, bienvenue. Salut. À toi Hubert. Alors, toi, tu voulais aussi réagir, hein, Freddy? Ouais, voilà, tout à fait, parce que moi je me suis fait griller par mes parents avec ma copine, donc c'est pas pareil, mais bon. C'est pas pareil, les parents. Ouais, normalement, mon père il s'en foutait un peu, mais c'est plutôt moi et ma copine, on a grave été surpris en fait, c'est quand on s'est retrouvés comme des cons, quoi. Mais vous étiez dans quelle position? Parce qu'il y a des positions qui sont peut-être un petit peu moins délicates que d'autres. Ah, on était en position un peu anti-pleurette, quoi. Excuse-moi, est-ce que tu es un toon? Et là, en fait, bah, il y a une carte qui arrive dans la chambre, style de rien, et là, il fait ah. Et nous on s'est trouvés comme des cons, on en a pris la couette, et après il a rigolé, on est dit, il fait bah alors c'était bien quoi, mais on s'est trouvés comme des cons quoi. Ouais, mais ton père il a dû être fier de toi, tu vois. Ouais. Ça y est, t'as plus de meuf, cool, ça y est, c'est fait. Non, toi c'est pas la première. Non, mais d'accord, mais la première qui grille, j'imagine. Ouais, bah oui, c'est clair aussi. Bah maintenant je ferme la porte à clé, maintenant je suis tranquille quoi. Oui, bah c'est mieux, voilà, c'est ce qu'on donnait comme conseil. T'as vu Freddy? Ouais, c'est un bon conseil, mais bon, après ils sont au courant, quoi. Oui, bah là, maintenant, c'est fait, hein, et qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a plus rien à faire, hein, Freddy, hein. Mais voilà, sois discret, et puis oublie, ouais, je sais pas ce qu'il a à dire, mais... quoi. Bah c'est clair, ouais. Bah merci Hubert, merci Bruno, merci Magnum, hein. Moi j'ai une petite question que des milliers d'auditeurs se posent. Et tu connais Bugs Bunny personnellement ou pas, là? C'est quoi cette voix, là? C'est vrai qu'Hubert, t'as une voix de dessin animé. Ah bon? Ouais, un peu. C'est quoi la question, Hubert? À Starfleur, il y a quoi comme star? Comment ça, à Starfleur, il y a quoi comme star? Je comprends pas ta question. Bah, je sais pas, ça fait des mois qu'on attend tous. Ça arrive. Ça arrive dans non, mais sérieux, à courant de la semaine prochaine, normalement tu devrais savoir, on devrait tous savoir. Okay, ça fait 6 mois qu'ils nous disent qu'on est tous bah ouais, mais tu respectes. Déjà, il y aura. Il y aura Jérôme. Oui, exactement, il y aura Jérôme, le boss de la radio, qui sera là, ça c'est sûr. Non, mais vous saurez dans les prochains jours, vous inquiétez pas. Ok, pas de soucis. Je vous dirai en exclusivité. Ouais. Ah, ok. Il y aura déjà DJ presque Toff. Non, Toff presque DJ, pardon. Mike, tu vas mixer aussi. Bah, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas invité, donc on verra. Bah, moi, je suis DJ, donc après, si vous avez pas DJ, je peux venir. Hein. Ouais, aussi, ouais, bah voilà, bah très bien, bah tu vois, il y aura du monde. Non, mais. Il y aura du monde. Non, mais sans déconner, vous inquiétez pas, il y aura du monde, vous allez voir. Il y aura du lourd. Ok, ok. Il y aura du lourd. Salut Hubert. Salut. Ciao. Et Freddy, bah écoute, tiens-nous au courant, hein, si jamais il se passe quelque chose, si jamais t'es débloqué. Je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, à une personne, vas-y. Allez, dédicace à Geneviève, à maman Joe et à Nova qui aimerait se taper Sandra. Ah, eh bah écoute, t'as qu'à lui donner le numéro de téléphone, Freddy, y'a pas de problème, elle est tout à fait ouverte. Ah en bon, plus, elle sait pas quoi faire de son voulez, week-end. Je le passe, hein. Eh ben, pas de problème, je te le passe en antenne, je te le passe Sandro en antenne là maintenant, pas de problème. Ça marche. Salut, Frédéric. Y a moyen de gratter un petit jeu ou... Bah, déjà, on en a plus là ce soir, mais tu vas gérer avec Sandro, on a des packs fun si tu veux. Ça marche, allez. Ça roule. Salut à toi, Frédéric. Ciao. Bonne soirée, merci. Ciao. Allez, bye. Bon, alors, top tweetos là, quel est le numéro 1? Enfin, quel est d'abord le numéro 5 dans un premier temps? Alors ça arrive. Il y a Célio qui dit grâce à l'émission j'ai plein de nouveaux follows et des follows trop adorables. Bah t'as vu Célio, t'as bien fait de venir. Hein. Bon normalement je t'ai fait un follow également, hein, comme je le fais à tout le monde d'ailleurs. Hein, si vous me faites un follow en tapant Mickaël officiel sur le Twitter, eh bien je vous followerai également. Et puis il y a Lynn aussi qui dit pourquoi en boîte ils nous font pas des remix comme ça. Normal, ils n'ont pas le meilleur. Oui, quel grand DJ je suis effectivement. Ça c'est vrai. Un grand talent. Trop de talent, tu le talent. C'est vrai, faut le dire. Bon, ça y est, ouais. Roger, là. Alors, là. Non, je voulais juste saluer Exibel qui vient de nous rejoindre dans les tweetos. D'accord. Voilà, c'est tout, parce qu'elle a beaucoup de followers. Donc. Ah, d'accord, ok, très. Exibel, c'est qui? C'est une meuf qui, à mon avis, s'exhibe. D'accord. Voilà, c'est tout, j'avais envie de la saluer. Ok, bah voilà, c'est fait alors. Hein. Parfait. Bon, numéro 5. Numéro 5. À nouveau, Max Debo. Ah, Max Debo qui va te débarquer. Salut à toi, Max Debo, numéro 5 dans le top tweetos. Ouais. Numéro 4, Nanou. Nanou qui est là, numéro 3. À nouveau, Rafa. Rafa, très bien, top tweetos numéro 3. Belle place hein, pour un nouveau. Hein. Ouais. Numéro 2. Notre ami Dams. Hey, Dams Nerti qui s'est nouveau fait baiser par Lesbi Freaks. Eh oui. De combien de tweets? Beaucoup quand même, hein, une vingtaine. Oh ça va, vingtaine. Je te rappelle qu'il y a deux semaines, elle avait des 25. 200 tweets d'avance. Hein, donc là, 25, ça reste pas grand chose. Bah voilà. Bon, ben on verra. Bravo en tout cas, Let's Be Freaks. Bravo à tous les 5 et à tous d'ailleurs. Hein. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Comme d'habitude, très nombreux et nombreuses, notamment sur le Twitter, le Facebook, etc. Donc ça fait plaisir aussi. Merci en tout cas d'avoir fait passer le message. On salue tous les nouveaux qui viennent de débarquer. Alors j'ai plus tous les noms en tête là. Il y avait Céline également qui était là parce qu'elle a beaucoup parlé ce soir. Il y avait aussi El Poncho, hein, qu'on a découvert tout à l'heure aussi grâce au message que vous pouvez retrouver sur le Facebook d'El Poncho. Donc elle a grillé sa tante en train de se taper un autre mec et donc elle a mis la conversation sur les SMS puisque sa tante lui a écrit, elle s'est trompée de destinataire, enfin bref, une histoire. Allez voir facebook.com/Mickaël officiel et puis gros bisous tout le monde hein. Salut. Attends, bisous, d'abord générique de fin. Attends, je me lève. Alors Colline, t'es là encore hein? Eh oui. Allez, générique de fin, c'est parti, go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ta fait sucer pas l'enculé. Colline à toi. Ton cul ton oncle. Cul comme toi. Ta gueule de merde. Toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir, on t'a mangé car ton oncle toute la journée. Mais ferme ta gueule, les connards. Ferme ta gueule, gros bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Bah, va te faire enculer, connard. T'as fait à foutre, tête de mort. Enculé, enculé. Je suis c'est toi l'enculé, Colline. Culé, culé. Oui, on est des enculés. Lilou vient d'arriver. Quel talent quand même cette fille. Bon, et ben voilà, passez une bonne nuit tout le monde. Rencard demain, demain non, mais à partir de dimanche 23h. Merde, putain, je mélange tout. Blablabla, on recommence. Rencard dimanche à partir de 20h sur Fun Radio, en pleine forme avec un énorme cadeau aussi que j'aurai encore à vous offrir à partir de dimanche à partir de 20h. Ben oui, soyez bien là, je vous balancerai quelques infos ce week-end sur le Facebook dès demain d'ailleurs. Bonne nuit tout le monde. Salut Colline. Salut. Et je vais gérer demain pour ta radio. Hein. Ah bah oui. Bon ça marche. Allez bah avec plaisir. Gros bisous Colline. Bisous. Ciao. Tous les soirs 23h 2h. Mickaël. Mickaël. Nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bah oui, mais alors évidemment on n'allait pas partir sans saluer notre ami JB bien entendu. Le beau gosse de la night. Mais oui non, il n'y a qu'un seul beau gosse. C'est qui? Ah oui, c'est Jérôme. Voilà, exactement. Jérôme. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'y vais avec le son dance floor toute la nuit. Eh ben, c'est parti, on met quoi aujourd'hui? On met quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Ouais, dis-moi, qu'est-ce que t'as envie d'écouter un son là? Propose-moi, je choisis. Bah, propose-moi. non, je vais pas te proposer parce qu'on va se retrouver dans les uns. Ça va être compliqué. Sinon, Backer Mat. Backer Mat, on peut mettre Backer Mat. Non, bah, on va mettre. on va mettre. Non, si, non mais attends. Attends. Hop. Ah bon, on l'avait pas mis, tu as celui-là. Attends, je vais te le mettre. Attends. Voilà. Attends. Faut que je le retrouve. Allez, vas-y. Voilà, une seconde. Je l'ai pas mis, ça fait 2-3 jours qu'on l'a pas mis en plus et je l'ai entendu tout à l'heure, je me suis dit putain, il faut qu'on le remette. Il faut qu'on le remette, pardon. Allez hop, le chant de Showtek avec Bouya. Ah. Voilà, pour partir, ça peut être pas mal ça. Ah, oui. Bon bah bon week-end et puis bonne nuit avec notre ami JB jusqu'à 6h du mat avec l'arrivée de... Ça y est, il essaie de l'imiter. Eh hey, Bruno, t'as vu, c'est un enculé. Hein, il essaie de t'imiter, en plus il est mauvais. Ça se fait pas, franchement, c'est l'insulte. On l'aime, Bruno, c'est un peu mal. C'est toi, tu fais ça là. Ça, c'est scandaleux. C'est même très. C'est plus que scandaleux encore. C'est vraiment une honte. Voici Showtek. Oh putain. Oh, c'est dur. Oh, c'est très dur. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Hein. Bonne nuit. Et rencard dimanche à partir de 23h. Oh merde, rencard dimanche à partir de 20h. Bon, moi je me casse. That's all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air.